Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oh, oui, bonjour. Ouais. Tout le monde est en train de dégueuler autour de la table. Une émission de dégueuleurs. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Nouveau numéro un peu particulier, un peu exceptionnel, j'ai déjà envie de dire. C'est le 14ème déjà. Déjà, c'est le 14ème. Et nous recevons l'équipe de Balles Perdues. Balles Perdues, film qui. Alors, normalement, quand vous écoutez le podcast qui est déjà sur Netflix, qui est déjà. Vous pouvez le mater. Là, en fait, j'ai envie de vous dire barrez-vous. Barrez-vous, ouais. allez regarder le film en fait. Ouais. Peu importe l'heure. Et donc, autour de la table, plusieurs invités. Nous sommes. Alors, il y a l'équipe de Balles Perdues, une partie de l'équipe, mais il y a aussi. Ouais, c'est l'ensemble de l'équipe. Hein. Ouais. Il y a que nous à la base. Et quelques frérots également autour de la table. Alors j'ai fait des petites présentations parce qu'avant, alors c'est un peu le nouveau truc de l'émission. Avant, je laissais les gens. Tu dégueules, Robinson, c'est une catastrophe. J'aurais pas dû prendre le fromage. C'est le coca, bah, t'es allergique violemment. Donc c'est... Non, mais c'est vraiment en plus. Ouais. Ouais. Bah, un mec va crever en direct, je peux pas vous dire mieux. Bah, trop le buzz. Buzz de ouf. Donc ouais, d'habitude je laisse les gens se présenter, mais en fait à chaque fois il y avait un moment de flottement, les gens savaient pas trop quand se présenter, donc maintenant je fais les présentations, ça va beaucoup plus vite. Le premier invité, il est comédien, on l'a vu au cinéma dans Un Français, Les Gamins, Antigang, Gueule d'Ange, Les Crevettes Pailletées. Je sais. Mais aussi dans la série Hérocorp de Simon Astier. Il s'est battu entre autres contre Liam Neeson dans Taken, qui est un point commun qu'il partage avec Batman, Dark Maul et l'armée nazie. C'est Albo Lenoir. Ouais, ouais. Bravo. Bravo. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Restons dans les nazis car on y est bien. Le prochain invité les a combattus dans Les Emmerdeurs, série YouTube originale. Il a interprété Goebbels dans Les Easy Company et dans Balles Perdues. Je l'imagine très bien d'extrême droite, mais c'est peut-être mon interprétation personnelle après avoir vu le film. Théâtre, cinéma, télé, web, cirque et musique, puisqu'il est aussi à l'origine des Wiggles et a mis en scène leur dernière tournée. C'est Sébastien Lalanne. Oh là là. Bonsoir. Balles Perdues est son premier long métrage en tant que réalisateur. Ça fait 15 ans qu'il enchaîne des courts métrages très vénères, d'ailleurs qui sont tous dispo sur YouTube. Ça, c'est très très cool. Sur ma chaîne. Tout sur ta chaîne, tout gratos. Comme Matriarche, Succube ou Surrender. Mais il a aussi réalisé, vous l'avez peut-être vu, Les Ch'tis versus Predator pour le Golden Show. Non, c'était Les Ch'tis à Shanghai. Oui, mais il y a un Predator dedans. Il y a un Predator dedans, mais c'est un spoiler. Ah, il s'agit de Guillaume Pierret. Allez. Bravo. Merci, bonjour. Auteur pour Studio Bagel et la série Groom, directeur d'écriture et grand amoureux de cinéma d'action. Son film préféré, c'est Rock. Son acteur préféré, c'est The Rock. Et son style musical, c'est étonnamment le drag and soul. C'est Robinson Latour. Ah oh oui. En revanche, The Rock, pas du tout. C'est pas les ailes les ailes de l'enfer. Dwayne The Rock Johnson, je l'aime pas tellement. Alors, c'est The Rock, le film, bien évidemment. Ah. Expert en arts martiaux et maîtrisant près de 47 techniques de combat, il m'a confié hors antenne être capable de mettre à terre chaque invité autour de la table. Il a remporté le grand tournoi, le comité, et a promis de venger son frère Eric, devenu paraplégique. C'est Adrien Méniel. Merci. Bravo, merci beaucoup. Qui est magnifique. Bon les gars, merci beaucoup. Quand t'as présenté Adrien, il a regardé Alban en s'excusant avec les yeux. Quoi. Non, c'était pour le défier parce que effectivement, je peux te mettre à l'amende. Physiquement, je parle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc on va parler de Balles Perdues, mais plus largement de comment toutes, on fait. De toutes les balles perdues. De toutes les balles perdues. Et plus largement même de cinéma d'action, parce que c'est vrai que quand j'ai annoncé votre venue, il y a eu pas mal de questions des auditeurs. Enfin, c'est vrai que ça. Ça intéresse beaucoup parce que c'est une proposition assez rare dans le cinéma actuel français de faire un film d'action comme ça sur les plateformes. Moi, j'ai vu le film, ce qui n'est pas le cas de Robinson et d'Adrien. J'ai vu le film, j'ai beaucoup kiffé, je vous le dis tout de suite. Une question pour toi, Guillaume. Je voulais savoir comment c'est venu la genèse du film, en fait. Comment tu t'es dit, parce que comme je l'ai dit dans la présentation, tu as fait plusieurs courts-métrages. Comment t'es passé au long-métrage? Est-ce que tu avais déjà une idée? Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que tu as eu des idées de scènes que tu as voulu mettre dans un film, ou tu as eu d'abord l'histoire? Dans quel sens ça s'est fait? Oui, complètement. Ouais. Moi, j'ai fait plusieurs courts-métrages dans lesquels j'ai toujours expérimenté des trucs très précis qu'un jour je comptais assembler dans un long-métrage. En bien quoi. Et donc du coup voilà, j'ai fait mes petits brouillons pendant 15 ans et puis au bout d'un moment je me suis dit ça c'était mon dernier court métrage qui s'appelle Matriarche et j'arrête là les cours. Maintenant je passe au long, donc là après on écrit et on cherche des producteurs, on cherche voilà et bon, c'est un peu long parce que c'est un film d'action mais... Oui voilà, si vous le savez pas, c'est un genre très compliqué à faire. Non, c'est vrai, c'est mais du coup, quel rapport avec les ch'tis à Shanghai avec, parce que je vois pas ce que t'as... Parce qu'il faut bien manger pendant que t'écris. Parce que tu dis que t'as essayé des trucs et que tu les as mis dans le film. Il y a des commandes aussi. Mais bah t'as l'accent ch'ti dans le film. C'est vrai. Et t'as toujours voulu faire des films d'action? Est-ce que c'est un genre où vraiment tu te dis c'est le genre que je veux épouser ou tu te dis là c'est un film d'action, peut-être je ferai d'autres choses? Non. Oui, j'ai toujours voulu faire des films qui représentaient un petit défi technique et dans lesquels il y avait de l'artisanat. À terme, j'aimerais beaucoup faire de la SF par exemple, du fantastique, enfin... Toujours dans le cinéma de genre, évidemment. Mais l'action, c'est une bonne porte d'entrée quand on n'a pas de moyens. C'est ce que je m'étais dit. Et. T'es fou. Bah non, ouais. Et donc, il y a une autre porte d'entrée hein, pour faire des films sans argent. Comme le cinéma, on est genre, d'accord, hein, voilà. Un bon plan d'une heure et demie, tu vois. C'est, vraiment, c'est possible aussi. Voilà. Mais j'avais envie de toujours. C'est le côté artisanat de fabrication, moi, que j'adore. Et je sais que quand je matais les making-of des films d'action, des Star Wars, machin, tout ça, le travail avec les cascadeurs, le travail avec les maquettes, ce genre de choses, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Depuis gamin, quoi. Quand j'ai vu Jurassic Park, j'ai vu que le T-Rex existait à moitié en vrai, en animatronique, tout ça. Enfin, moi, je trouvais ça fantastique. Ouais. La débauche de moyens et d'efforts qu'on mettait juste pour faire un plan de 2 secondes, voilà, je trouve ça fantastique. Et donc ça, voilà, c'est ce qui m'a motivé à faire un long. Et les gars, vous, en tant que comédien, depuis longtemps, vous aviez envie... Parce qu'on vous a vu dans pas mal de films d'action, maintenant, mine de rien, pour la France. Vous avez quand même 4 films d'action, quand même, à peu près. De vrais d'action. Bah non, mais Antigang et Balles Perdues, j'ai pas considéré l'intervention. Bah ouais, on a quand même fait des choses un peu physiques dedans. Oui, bien sûr. Il y avait des guns. Moi, j'ai vu des guns hein, dans l'intervention. Ouais, il y en avait. Il y avait quand même pas mal de guns. Il y en avait, je te le dis. Hein. Oui, toi, oui, tu tires beaucoup en plus dans l'intervention. Bah, je tire beaucoup. Hein. Tu tires bien. Hein. Moi, je tire bien. Hein. Non, mais c'est un genre qui vous parle depuis longtemps. Ah oui, moi c'est la genèse de tout, c'est l'envie de tout. C'est 9 ans, je découvre Bootsport et je me dis, je veux être lui, quoi. Donc du coup, c'est ce qui est marrant, c'est quand tu fais un petit. Tout vient de là, parce que même si on va dire que mon spectre artistique s'est développé et n'est pas resté bloqué sur Van Damme, après je suis passé sur Jim Carrey pendant quelques années plus tard et Adrien Méniel pendant. Mais ce qui m'a. Ah oui, tout à fait. C'est un peu la fusion des deux, finalement. Exactement. Van Damme, Carrey. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est parfait. Mais ce qui m'a fait me mettre aussi aux arts martiaux, et c'est vrai que sans mon parcours martial, j'aurais jamais décroché, je pense, un Français ou un Antigang, c'est ce qui a fait la différence. Donc c'est. La bagarre. Ouais, mais c'est drôle comme tout est lié, quoi. Dans les scènes de baston, d'ailleurs, parce qu'il y a, je vais spoiler pas trop l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, mais je peux spoiler qu'il y a des scènes de bagarre. De toute façon, la bande-annonce est sortie, donc maintenant c'est pas un gros spoil. Il y a de la baston, mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est de la baston vraiment vénère, quoi. C'est-à-dire qu'on, c'est de l'art martial, mais pas de l'art martial en mode, c'est pas Matrix, quoi. On est vraiment dans un truc où chaque coup fait mal. comment ça se coordonne, ça, vraiment en termes de comment on apprend à se faire mal, comment on apprend. Tu t'es fait beaucoup mal, j'ai l'impression que ça rigole. Ouais. Ah, tu t'es fait mal, toi ? Je me suis cassé des trucs, ouais. Ah ouais, comment ça ? Bah, en me tapant sur des un comptable, ouais, des côtes, ouais. C'est rien. À la base. À quoi ? Pareil. Et puis même à l'entraînement aussi, ça fait mal. Moi, et puis c'est même, en éternuant, mais c'est pareil. Ouais. C'est seulement que t'as niqué une côte. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas en train de. Non, mais il m'a dit, vas-y. Non, non. C'était à la table régie, par contre. Vas-y, cette fois. Enfin, vas-y, quoi. Ouais. Je fais, bon, j'y vais, hein. Ouais. Fais, bon, ok. Bon, bah, j'y suis allé, mais du coup, il y avait un. Non, mais il y avait un timing foireux. Ouais, il y avait un timing foireux. C'est pas censé arriver, hein. C'était pas, non, bien sûr. Il y a un petit timing foireux, un petit manque de distance. Et les fameuses voilà, distances de sécurité. Une petite table encastrée dans la côte. Mais ça arrive. Non, mais à l'entraînement aussi, et puis ça arrive de se faire des bleus, ouais. Mais je sais pas comment dire, on s'en fout un peu. Mais justement, ça me faisait marrer. Comment tu coordonnes bien, comment ça se coordonne ces trucs-là? Bah, il y avait un régleur cascade, Manu Lanzi, d'ailleurs avec lequel on a eu pas mal d'expérience. Mais Manu Lanzi qui est très connu d'ailleurs dans le milieu de la cascade. Ah oui, et de plus en plus, il est vraiment dans le top 3 des régleurs français. et avec qui on a fait Antigang, un français, Call of the Dead, Lazy Company, Aerocorp. Antigang, c'est ouf. Ouais. Tu l'as dit. et voilà, avec les envies de chacun, aussi dès le scénario, de, justement, comme pour développer, de dire qu'on ne voulait pas un style martial approprié. On se doute que ce n'est pas la première fois qu'il met un bourre-pif, mais en même temps, il n'y a rien vraiment de, tu vois, de technique ou autre, quoi. On peut juste pitcher juste le pitch du film ou quoi, ou même... Carrément. Et si tu en supplies, parle dans ton micro, Romain. On peut juste pitcher le pitch du film. Bien juste sûr. Bah, c'est des comptables. C'est des comptables. C'est ça qui est très bizarre. Pourquoi tu t'es pris une table, quoi. C'est vraiment une question qu'on se pose. Une table, une table de multiplication. Voilà, oh, exactement. Oh, allez, moi, j'avais ça sur Balle perdue. C'est un film sur Balle perdue. Donc, non, je suis pas le meilleur placé. T'es pas le meilleur. Non, parce qu'il y a tellement de pitchs différents. Mais en horrible. Lequel... Même juste en horrible. En horrible. Ouais. Vas-y. Oh là là. T'étais chaud. T'étais chaud. Vas-y, c'est une brigade de flics qui... Non, on va pas commencer. Non, ça c'est la 7ème compagnie, tu confonds. Alors c'est l'histoire de Lino, qui est un petit génie de la mécanique. Pas que. Mais pas que, évidemment. Et qui se retrouve embauché dans une équipe, dans une brigade de mais police. Pas que. Mais pas que, anti-go-fast. Et malencontreusement, il se voit accusé d'un meurtre. Qu'il n'a pas commis et il va avoir 24 heures pour retrouver cette balle du crime, cette balle perdue qui se retrouve dans une voiture, ce qui tombe bien pour un mécano. Voilà. Tu m'as eu anti-go-fast quand t'as dit anti-go-fast. comment tu t'avais des références toi en termes de baston, de trucs, ou c'est avec le coordinateur de cascade, avec les comédiens, comment t'es amené à ces scènes-là? Je pense à la scène du commissariat par exemple qui est vraiment brutale. Ouais. Est-ce que t'avais des refs Ouais, complètement. Moi, j'aime beaucoup. J'avais des refs qui étaient surtout coréennes, en fait. J'avais The Murderer, par exemple, et Yale aussi, où on a une scène de cavale à mi-film où le mec veut juste s'échapper. En fait, il est coursé par des flics et il s'en fout de les taper. Lui, il veut juste s'enfuir. À la manière de Banlieue 13. Ouais. Exactement. Bah ouais, exactement. Et donc, du coup, moi, c'était un peu mon intention aussi. C'est-à-dire que je voulais pas une scène de baston où le mec restait là dans tout le. Enfin, son but, c'était pas de taper des gens, c'était de fuir avant tout. Et donc du coup, ça c'était la note d'intention de la baston. Et une fois qu'on a trouvé le décor, eh ben on s'adapte. Et puis on cherche le meilleur parcours pour le héros. Et puis devant, bah il a des flics. Et ça strangule. On peut dire, ça strangule beaucoup. J'ai été surpris par le nombre de. Mais c'était autorisé à l'époque. Hein. Oui. Je peux poser une. Bien sûr. Par exemple, dans un scénario, comment t'écris? Dans un scénario, comment t'écris? Enfin, genre quand il va y avoir baston, c'est genre là il y a restaurant. Bon là c'est la bagarre et tout le monde se bat. Ou alors il y a. Alors lui mène patate à lui, et lui il arrive, et lui il lui retourne. Comment t'écris ça? Ou est-ce que t'écris pas ça en fait? Non, t'écris pas les plans que tu vois, les trucs que tu veux absolument mettre dans la baston, tu les écris. Tu trouves un moyen de les écrire, de les raconter. Mais comme à l'étape du scénar t'as pas encore ton décor, et que ça dépend vachement du décor, évidemment, une scène de baston, t'essayes de faire passer ton intention, mais tu détailles pas chaque coup de poing, chaque coup de pied, etc. Quoi. C'est voilà. Exactement l'entre-deux que tu viens de dire, mais il y en a qui font bon bah la bagarre. Et là, tu es le scénario, tu fais mec. Non, mais c'est pas anodin parce qu'il faut qu'il y ait une cause, faut qu'il y ait un sens pour que ça devienne aussi savoureux dans une baston. Ça me rappelle une petite anecdote, car je te sais fan de Jean-Claude Van Damme. C'était sur Predator, puisque Jean-Claude Van Damme devait jouer le Predator. Il a fait trois jours. Alors, il y a plein d'histoires sur pourquoi il l'a plus fait, mais ma préférée, je l'ai notée parce que vraiment je l'aime beaucoup. Moi, je pensais que c'est parce que ça le saoulait juste. Ben alors, il y a plusieurs histoires. Il n'y avait en fait. Pas le truc que le costume l'armure était horrible. Trop lourde aussi. Voilà, il y a l'armure trop lourde, il y a le costume trop moche, et genre Jean-Claude l'aurait jeté par terre. Et il savait pas du tout qu'il allait être caché, visage caché sur Il y a eu ça. Et alors, pour moi, tout est vrai. Mais alors, tout peut être vrai, mais ma préférée, c'est celle-ci. C'est un des producteurs du film qui raconte ça. Il dit: j'étais dans l'âge d'oge de Joel Silver. Il avait demandé à Jean-Claude de venir le voir. Il arrive et Joel Silver, donc le producteur de Predator, lui dit: tu dois arrêter de faire du kickboxing au Predator. Déjà, il ne pouvait pas s'empêcher que le Predator fasse du kickboxing. Joel essaie de lui expliquer: écoute, le Predator n'est pas un kickboxer. Et Van Damme a répondu: je suis obligé de le jouer comme ça. C'est ainsi que je vois le Predator. Et Joel a rétorqué: eh bien casse-toi. Van Damme a conclu d'un: eh ben tu peux embrasser mes burnes avant de partir. Et ça s'est terminé comme ça. Je pense que c'est la vraie histoire, ça. Moi c'est ma préférée. De dire que j'étais obligé de faire du kickboxing. Ouais. Mais ça lui a réussi, puisqu'en fait c'est dans Predator qu'il a rencontré un des producteurs de Bloodsport, je crois. Donc du coup coup. Marc Dacascos, quand on lui a dit ça sur le pacte des loups, a dit je m'en bats les couilles, je vais mettre des coups de pied exactement comme je fais d'habitude. Je m'en fous qu'on soit au Moyen-Âge. Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est trop bien. Exactement. C'est vrai que ça marche trop bien. Juste pour revenir ça au baston. Samuel Lebien. Juste pour revenir au baston, il y a un truc où aussi ça va dans la brutalité, c'est au niveau du make-up. Je me demandais, est-ce que c'est pas méga relou d'être raccord make-up tout en faisant des scènes de baston? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'arcade qui pète, qu'il y a... Toi, t'as un plan sur ta gueule à un moment, je veux pas trop se coller, ouais, mais où vraiment ça, c'est dégueulasse en fait. T'es dégueulasse, Sébastien. Bah, je suis dégueulasse. Ouais. Surtout vraiment... que c'était une vraie blessure parce que. Il s'était reblessé. Alban lui a mis un coup un peu fort. Ouais, ouais. Alors... Non, mais comment ça, le make-up est vraiment ouf hein, dans le film. C'est vraiment ultra ouais. impressionnant. Bah, pour celui de Seb par exemple, c'était un plan très spécifique, c'était un moment très spécifique de la baston, donc c'était pas très dur de voir l'évolution de son maquillage et de l'anticiper. Pour Alban, c'était une galère parce que on tournait tout le film dans l'ordre des chronologiques, donc il allait avoir des blessures alors qu'on n'avait toujours pas tourné la scène de baston machin. Et le problème, c'est quand on a des acteurs comme Alban Lenoir qui font toute une montagne sur des raccords de maquillage, bah, ça peut arriver. Voilà, donc, bref. Mais le mec se plaint. Et le mec se plaint. Mais est-ce qu'on s'en bat pas les couilles? Moi je suis l'équipe. Mais non, malade ou quoi? Tu t'en bats pas les couilles. Si tu prends un coup de poing à gauche, tu prends un fort raccord, ça te fait décrocher. Je supporte pas. Spectateur avant. Si on prend plein la gueule dans tout Die-Hard, et c'est jamais au même endroit, ils saignent pas. Ouais, mais c'est Die-Hard, mec. Il y a des blessures très importantes. Ils sont pas foutus. Ils saignent pendant la moitié du film, Bruce Willis. On le remarque pas, quoi. Si, il saigne, mais c'est très intelligent, ça plante des pieds. Donc, on s'en fout de savoir si c'est raccord. Non, mais les gars qui disent ah, la cicatrice, elle était de l'autre côté. Est-ce que c'est. Bah, quand même, si t'as pris une patate à droite et que t'as la cicatrice à gauche, c'est un peu emmerdant. Sinon, t'as l'autre team qui est Adam Sandler qui dit le personnage aura les fringues que je mets tous les jours. C'est un vrai truc, il dit tout le temps je mettrai mes fringues, sinon ça me casse les couilles. Toi aussi, t'es comme ça. Ça peut m'arriver. Il y a Elizabeth Moss aussi qui arrive, c'est la meuf de Top of the Lake et The Main Tale et tout. Elle arrive, elle dit à la maquilleuse, là t'as 5 minutes, après je sors de cette chaise. Donc fais ce que tu veux, mais le maquillage ça va durer 5 minutes. C'est terrible ça. C'est pas sympa, moi je trouve. Elle est sur l'image de la femme et qu'elle veut se montrer telle qu'elle est et pas telle maquillée. D'accord. N'importe donc, quoi. Je rien. Un caprice à mes yeux. Après, elle écoute l'émission, donc attention à tes propos. Vincent, mais pourquoi elle s'assied sur la chaise, j'ai envie de dire, t'assieds même pas. Crache juste à la gueule de la maquilleuse et ouais repart, voilà quoi. C'est bon. Et pour vous les gars, parce que je sais que vous, donc j'ai dit vous avez fait des films d'action, mais vous faites plein d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus, forcément quand on n'y connaît rien comme moi, il y a un côté où on se dit ah l'action doit y avoir une bestialité, doit y avoir un truc en plus qu'on n'a pas forcément dans les dialogues tout comme ça. Qu'est-ce que vous allez chercher dans des trucs comme ça, dans des films d'action? Le challenge par exemple. Moi je sais que perso c'est un rêve qui se réalise mais que j'ai jamais fait, j'ai jamais osé faire, j'ai jamais osé me dire en tant qu'enfant tiens je vais faire des westerns, je vais faire des machins, des trucs de voyous, j'ai pas osé me le dire et là je me retrouve à en faire et je suis trop content. En fait ce que ça va chercher, bah c'est beaucoup de taf avant hein. C'est des mois enfin pour moi en tout cas parce qu'Alban est sans doute plus avancé, mais moi c'est des mois d'entraînement, puis j'y tiens pour arriver, pour que ça soit naturel, puis surtout parce qu'évidemment quand t'as tout prévu au moment de tourner, tout s'inverse. Tu vois. Donc, c'est ce qui était à droite, ce qui est avec la jambe, c'est avec le bras. Donc, si t'es un peu raide et que tu récites tes mouvements comme tu récites ton texte, c'est ridicule. Le but, c'est d'être le personnage et d'avoir la bestialité que t'as travaillé à l'intérieur de toi. Moi, ça m'a pris des mois. Et bah, juste pour un truc qui peut durer quelques secondes, mais parce que c'est du kiff pur, quoi, tu vois. Je suis pas obligé de faire ça. T'as infiltré un cartel mexicain, je crois, pendant plusieurs mois pour avoir le. Ouais, carrément. Et après, c'est un peu d'angoisse quand même, hein, tu sais, c'est comme de jouer la comédie, mais de le jouer avec le corps, il faut pas se foirer parce qu'il y a la caméra qui est là, parce qu'il y a plein de choses, puis il faut pas se faire mal. Ce que t'as fait. Ouais, ça s'est raté, ouais. Non, mais parce que c'est vrai qu'à Hollywood, par exemple, tu vois, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui commencent par des parcours, c'est débile de dire classique, mais là, j'ai pas d'autres mots, un peu plus classiques, et qui vont, enfin, tu prends Tom Cruise, tu prends Mark Wahlberg, qui maintenant ne font que des films d'action, quoi. C'est un truc qui vraiment. T'as l'impression qu'ils vont chercher un truc qu'ils ont pas dans Charlize Theron. Charlie, oui, c'est vrai. Ouais, c'est depuis vrai. Peu, depuis Mad Max. Mark Wahlberg, qui est un frérot, je crois, de toi, Alban. Ah, j'ai eu des petites anecdotes. Bah, est-ce que. Alors. Mais c'est plus dur de faire des films d'action en France, hein, quand même. De en France, c'est plus dur de dire je vais faire que des films d'action. Oui, bah, il n'y a pas tant de films que ça. Il n'y en a pas. Oui. je te lançais sur Mark Wahlberg et Alban, et tu me dis tout est coupable quand je te le dis, mais j'ai vu en cherchant dans des interviews que apparemment tu aurais eu une anecdote l'impliquant Mark Wahlberg et une baston. Je voulais savoir si j'en ai parlé de ça. Non, mais ça peut être long à expliquer. J'ai fait énormément de figuration. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait approximativement 300 cachets de figuration. Et pour dire à tous les auditeurs aussi qui rêvent de ce métier-là, ben, que c'est la persévérance qui paye, hein, donc ne lâchez rien. Et je me retrouve. Ça me ramène une autre anecdote. Mais vas-y, vite fait, en deux. C'est sur Macron, c'est gênant. Non, mais ça, je sais pas si je te l'ai raconté, si c'est trop long, on s'en fout, tu couperas. Ah non, mais non. Je vois une annonce comme quoi ils cherchent des skinheads pour de la figuration pour un film qui s'appelle La vérité sur Charlie. J'ai cru que t'allais dire La vérité sur Charlie. Non, The Close About Charlie. Qui a fait un beat total et le film est totalement raté. Mais il y a quand même Tim Robbins, Mark Wahlberg, Thandie Newton et c'est réalisé quand même par Jonathan Demme, excusez-moi. Oui, c'est qui? Silence des agneaux. Philadelphia, ça va. J'appelle, je dis, je sais pas, mais je dois avoir une vingtaine d'années. J'appelle et je fais machin, je suis un skin, pas de problème, machin. Ah bah ok, viens tout de suite. Le problème, c'est que je viens tout de suite et j'ai les cheveux aux épaules. Tout ça pour passer un autre cap, c'est qu'en fait, ce chef de file qui cherchait des skinheads au bout du compte, qui m'a pris pour faire de la figuration sur ce film, a été le même directeur de casting qui m'a fait passer les essais pour un français. Ah. Voilà, l'anecdote qui. Voilà, c'est tout. Donc, le mec cherche tout le temps des skins, cela dit. Aussi, aussi tout à fait. Mais ça, c'était un peu long. Non, mais Mark Wahlberg, on se retrouve au Puce de Saint-Ouen et. Sache que pour non, les gens. Le tournage était au Puce de Saint-Ouen. Non, il t'envoie un texto en disant bien, on se retrouve au Puce de Saint-Ouen. Je vois le mec s'embrouiller avec un mec qui a. Il y a plein de brocantes, donc. Je sais pas comment. Un vendeur, les puces. Ouais, mais un peu vénère et tout. Et moi, j'étais là, quoi. Et je vois le mec, il est un peu tendu. Je fais, putain, c'est Mark Wahlberg. Et dans un anglais très approximatif, je lui fais, if you can't fight. I can fight if you want, quoi. Ah ouais. Sans mentir. Il l'a dit, je l'ai dû faire. Il l'a dit approximatif. Je vais faire comme ça. Et j'ai 20 piges, voilà. Et ouais, on parlera de mon parcours scolaire et du coup ça devient cohérent mon anglais. Et le mec, je vois pas un nom dans son visage. mais le mec est quand même un peu déstabilisé, tu vois. Il sait que t'es sur le tournage quand même ou alors Oui, je pensais qu'il a compris parce que c'était quand même très. Il y avait, ouais. On était tous des extras, on avait tous des badges, des machins, d'accord. Des trucs. Et à peine j'ai dit ça où je sens un élan de on pourrait peut-être que le mec en fait le vendeur me chope l'épaule et j'ai même pas eu le temps de réagir de rien du tout que Mark Wahlberg l'a attrapé. Non mais quand je te dis attends tu vois ses bras frère tous les l'a jeté et moi ce qui m'a marqué toute ma vie c'est qu'il y avait une horloge c'est avec un énorme je sais pas comment on appelle un ça. Truc en verre, une cloche en verre. Mais mec, mais pas. Non, mais pas une horloge, quoi. Une. Pendule. Une horloge, une pendule, quoi. Une pendule. Ouais, non, une balèze, quoi. Mais ouais. Pas une pendule non plus. Une ordule. Une pendule. Non, parce que vu qu'il est tombé plein d'eau, tu vois, c'était pas une pendule, c'était une grosse horloge, quoi. Tu vois. Et à la fin, c'était une montre. Hein. Et donc, évidemment, la bulle de verre explose et tout ça. Les mecs de toute l'équipe arrivent et tout, ils font tiens, mec, vas-y, prends des billets, bouge. Tu vois, je me souviens, mais vraiment, il y avait un truc de cash, machin, et bidule. La journée continue, moi je suis un peu à l'ouest mais bon je fais mon taf au milieu de 300 personnes et Mark Wahlberg vient me voir plus tard il me disait qu'il s'en était voulu de ce qui s'était passé, que c'était pas bien de se battre et tout, et qu'il m'a fait un autographe avec God Bless You maintenant. Et du coup j'ai pris 10 jours de figure en plus où par la suite on s'est recroisés, il m'a appris à jouer au football américain, alors que c'est lui qui t'a sauvé quoi. Toi t'as rien fait. C'était clairement non, je pense qu'ils ont fait tout ça pour te dire ne raconte jamais ce que t'as vu et tu viens de lui. C'est il y a 20 ans. Hein. C'est prescription. C'est prescription. Je suis extrêmement heureux. Maintenant, ça n'étonne plus personne que Mark Wahlberg tabasse des gens, je pense. Donc, c'est vrai que la même histoire avec Pierre Richard, genre, pardon. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a chopé le mec par les cheveux comme ça. Ma première question était complètement celle qu'a posée Robinson tout à l'heure sur comment ça s'écrivait, donc je passe directement à celle d'après. Non, mais il y a un peu un côté bande dans le film, parce qu'on retrouve en fait des gens qu'on a pu voir un peu dans. Moi, je me suis. Alban et Sébastien, donc ouais, vous avez déjà joué ensemble dans Antigang, dans L'Intervention. Il y a aussi Stéphie Selma qui joue dans Antigang. Le chef-op, c'est Morgane Dalibert, qu'on embrasse, qui est le chef-op de HeroCorp et qui est le coréal des Emmerdeurs avec Valentin Vincent. Donc voilà, il y a plein de gens qui gravitent. C'est important pour vous ce côté. Il y a aussi Alexandre Philippe de Lizzie Company, je m'en rends compte. C'est important pour vous ce côté bande. Moi, je trouve ça trop bien de réussir à avoir une espèce de crew qu'on peut retrouver un petit peu dans d'un film. Il y a Rémi, si je peux me permettre, il y a Rémi Lothier, le producteur, vous connaissez quand même depuis très longtemps. Depuis 37 ans, ouais, effectivement. Wow. Ah oui, donc voilà. Voilà. Donc en fait, un petit côté bande. En fait, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'était l'idée de toute façon de tourner en famille, même avec des gens que je connaissais pas, mais qui allaient être recommandés par d'autres personnes. Alban a recommandé énormément de gens. Et ça, je fais confiance à Alban sur ça. Puisqu'on s'entend bien lui et moi, donc je savais presque qu'il... pas loupé. Non, non, ça va aller. Mais, ça... c'était ça. Et c'était pareil un peu avec toute la team Cascade Voiture, par exemple. Ils m'ont recommandé un premier assistant qui m'a recommandé lui à son tour un cadreur spécialisé là-dedans, et du coup je sentais qu'en fait c'est que des gens qui avaient l'habitude de bosser ensemble, qui se connaissaient bien et qui pouvaient pas se bullshiter entre eux et faire perdre du temps à tout le monde, quoi. Et ça c'était capital, quoi. Voilà. Et dans les bastons, vous arrivez à... je suis très baston, hein. De toute façon, mon corps en atteste, je suis très baston. Vous arrivez à trouver quand même votre liberté dans un truc aussi j'imagine, en tout cas millimétré, qu'est une baston. Est-ce que vous arrivez quand même à trouver Ah bah lui il l'a trouvé, hein. ça crée quelques conflits, mais il faut se sentir à l'aise, quoi. Non, mais c'est comme un langage, en fait. C'est comme un langage. Donc la grammaire, c'est... Voilà, c'était un dialogue un peu pété. Tu fais ce que je peux reformuler, quoi. Tu vois, que ça me correspond. Ouais, ouais. Il y a des rythmes, il y a des choses. Puis la tonalité, c'est Guillaume qui en parle. Si ça doit être sale, brouillon, si ça doit être clean, enfin il y a une grammaire de ça, quoi. Oui, en plus, moi j'avais lu une interview de toi où tu parlais, Sébastien, sur David et Madame Hansen, où le réal donc était Alexandre Astier, qui était très précis, mais que quand même dans la précision t'arrives à trouver ta liberté. Bah ouais, mais ça très intéressant. Bah, je crois que c'est ça le principe de la liberté, c'est dans les contraintes que tu les trouves, j'ai l'impression. Sartre, j'ai rien compris. Mais de où, mais totalement. Totalement. Moi je m'interdis des choses pour un peu, tu vois, pour modifier les rôles ou des trucs, et c'est en interdisant les choses. Et même sur le plateau, moi j'adore qu'on soit précis, qu'on me dise je veux que tu sois là, que tu t'arrêtes là, ça c'est top si tu prends un temps, un machin, parce que plus tu m'interdis de choses, en fait, plus je suis libre. Mais c'est incroyable, ça déstabilise parfois le réel. Ou... Je crois que c'est ça la liberté. Mais c'est ça, ouais. Ça te libère. Ouais. Mais il faut avoir une vraie connaissance, un amour du plateau et de tous les postes pour... Mais ça, justement, ouais, je voulais justement partir sur les bagnoles. Ça, c'est assez impressionnant quand même, parce que justement, même dans certaines... Enfin, même si quand je me fais un petit peu le passif, parce que j'ai quand même vu pas mal de films de genre français, on peut retrouver de la baston, mais des courses en bagnole, à part dans les films Europa, il y a quand même très rarement ça. Comment tu... Même, ça va aller du plus large au plus précis, mais comment tu peux... Comment t'arrives avec un scénario en disant, voilà, va y avoir des cascades en bagnole, comment tu trouves des gens pour le faire, comment ça fonctionne? C'est une bonne question. Bon, moi, j'ai tourné donc un court-métrage en 2009 déjà, j'avais zéro argent, j'avais rien... Et j'étais parti voir des gens qui louaient un gyrophare, parce que moi j'étais dans l'idée déjà de faire une course-poursuite en voiture, mais intégralement truquée, quoi, avec les accidents filmés à l'envers, et puis des morceaux de CD qu'on jetait pour faire style, il y a des bruits de verre et tout. Et moi je vais voir ces gens-là avec cette optique, en leur disant, voilà, est-ce que vous pouvez me prêter le gyrophare s'il vous plaît, j'ai pas d'argent. Et il se trouve que c'est des mecs qui sont des cascadeurs, quoi. Et ils me montrent des vidéos où ils font des tonneaux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est Noël et tout, bah, nous on te le fait ça. Je dis, ah bon, eh ben, on va le faire. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, stop, on va faire une vraie poursuite en bagnole. Et du coup, à force de tourner des poursuites dans mes courts-métrages, j'ai vu ce qui était possible de faire sans moyens, j'ai vu ce que plus de moyens pouvaient me permettre de faire. Et. Il faut voir Matriarche, hein, pour ça. C'est en pleine ville, hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est assez impressionnant, Matriarche. C'est dingue. C'est parce que je me dis c'est que juste fou. C'est au même endroit qu'on a tourné Balles perdues, finalement. C'est les mêmes décors, c'est exactement les mêmes routes, quasiment. Et le long permettait effectivement de passer à la vitesse un peu au-dessus, d'avoir plus de véhicules, et surtout d'avoir des véhicules en double, parce que le plus dur quand tu tournes une poursuite, c'est quand t'as pas les véhicules en double, tu peux faire qu'une prise et après ils sont à jeter, ou alors ils redémarrent plus et t'es niqué. Et là, on les avait en double, en triple. Bon, il tombe en panne aussi, mais c'est comme ça. Oui, il y a eu un petit mouvement. Ah, d'ailleurs, j'aurais une anecdote sur la R21 qu'on a jamais racontée. Bah, qu'on parlera budget. Ouais. Et du coup, voilà, Non, après c'était assez précis dans ma tête ce que je voulais. Mais d'ailleurs, parce que dans ta chaîne, sur ta chaîne YouTube, il y a les courts-métrages, il y a aussi les making-of. Enfin, ouais. Peut-être pas sur tous, mais j'en ai vu un ou deux. Et il y a vraiment ce truc que moi je fantasmais quand j'étais gamin, quand je voyais des making-of d'une action, où tu prends vraiment des petites voitures avec des cascadeurs pour voir exactement ça. Il y a que ça. Il y a que quand on a été voir donc chez Ciné Cascade, donc pour préparer Balles Perdues, Ciné Cascade, c'est bah, Jean-Claude Lanier. C'est déjà un très bon titre en termes de précision exactement. De ce qu'il t'offre. Tu sais où tu mets les pieds, quoi. Effectivement, ils sont très précis. Et c'est quand même les plus gros de France, on va dire. Ils ont fait Jason Bourne, quoi. Ouais, c'est aussi de Jason Bourne, les Ronins, tout ça. C'est Jean-Claude Lanier qui est le régleur cascade voiture. C'est la doublure de Niro, de Depardieu, de bon, Renault. En voiture, il fait tout. Il fait des tonneaux en camion, etc. aussi. Et donc, du coup, quand on arrive chez lui, ben ouais, sur sa table, il y a toujours des dizaines et des dizaines de petites voitures de tous les gabarits, tout ça. Et moi, j'avais apporté les miennes aussi. Vous faites ça en réunion ? On fait ça en réunion, bien sûr. Vous perdez un temps fou, les mecs. Comment ça, on perd un temps fou ? De jouer aux petites bagnoles. C'est génial. Il n'y a rien de mieux, c'est mieux qu'un storyboard. Là, tu fais en live le truc. Ouais, la voiture, je veux qu'elle fasse ça. Est-ce que c'est possible ? Les mecs, ils te disent oui. Est-ce que tu fais les bruits ? Je fais tous les bruits. Ah ouais, complètement. Tu fais. Exactement, ouais. Exactement. C'est très important. Pardon, madame. Mais d'ailleurs, il y a des plans dans le film où on voit, c'est même toi qui. J'imaginais que tu étais beaucoup doublé sur le film, et en fait, il y a des plans où non, c'est toi qui conduis la bagnole, allemand, en fait. Bah non, mais nous, c'est vrai. Je t'invite à juste parler bien. Pardon, oui, dès le début avec Guillaume, on a dès l'écriture qu'on a un peu ce leitmotiv. Si on pouvait éviter tout ce qui était effet numérique et doublure, on le faisait. On a gagné le. Quasiment à 100% le pari, mais on a perdu quand même quelques batailles. Parce qu'il y a des plans où on sait que on le voit pas et on sait que ça peut être très très très très dangereux, mais c'est. On est rentré un peu en conflit, pas avec Guillaume, mais sur le plateau. On a essayé, on a tiré au maximum. T'en as fait beaucoup. On a gratté, hein. on a gratté. On a épuisé le chef cascade. Après, pour la défense des cascades, tu voulais percuter des vieilles, ce qui est quand même très gratos. On sait pas ce qui peut se passer. On sait pas. Mais alors, justement, parce que vous en avez parlé, je mets un petit extrait parce que moi, ça m'a touché en plein cœur. Ah. Il y a l'autre héros du film, donc il y a vos personnages, mais il y a aussi celle-ci. Bonjour, messieurs. Dites-moi, elle accélère plutôt gentiment, votre voiture ? Bien sûr, c'est la Renault 21 de litre turbo. Ah, bien sûr ! 175 chevaux, tout est géré par l'électronique. Freinage ABS, bien sûr. Bien sûr. Bonne route ! Renault 21 de litre turbo, le défi. Le défi. Donc oui, la Renault 21, c'était vraiment la bagnole où dans les pubs, c'était des petits courts-métrages d'action. Est-ce que c'est par rapport à ça que t'es parti là-dessus, ou est-ce qu'en fait c'est une voiture qui est utile pour les cascades parce qu'elle est un peu à l'ancienne et on peut faire des trucs que peuvent pas faire les voitures récentes ? Non, moi j'ai toujours adoré tourner avec des épaves. Je suis très team épave depuis que j'ai vu Star Wars. J'adorais le Faucon Millennium. Moi j'aime bien les vieilles carlingues, les vieux trucs qui grincent et tout. Et j'aime pas les poursuites avec des belles bagnoles. Je trouve que puis en plus ça résiste à rien et tout. Et du coup j'aime bien les boîtes de conserve et je cherchais pour Balles Perdues une voiture qui fasse de suite penser déjà à la France, qui a un côté un peu exotique pour les Américains. Et t'as pas le choix, c'est soit tu prends une Alpine, et là t'as plus de budget pour le film, soit tu prends une Renault 21, et du coup on avait plus de budget non plus, parce que les Renault 21 sont très rares, sont très très chers. Et du coup, d'où l'anecdote. D'où une petite anecdote, c'est que du coup, elles sont tellement rares, elles sont tellement chiantes à trouver, etc., qu'on a pioché un peu dans le stock des cascadeurs. Et dans leur stock, il y avait la Renault de Patrick Chirac, de Camping, évidemment. On était dans le parking, on fait. Mais ça, c'est une ça. Ouais, elle est du turbo. Et là, les mecs, ouais, mais non. Je fais, tiens, tu vas voir, mais non. Bah, elle a été repeinte en rouge, hein, la Renault de Patrick Chirac. Attends, hein. Excusez-moi. Et on l'a brûlée. Oui, attendez, excusez-moi. On l'a brûlée, c'est vrai. Est-ce que vous êtes non, ça va le couper. Ça. Elle a pris feu plutôt. Elle a pris feu. Et est-ce que vous êtes en train de me dire que ce film fait partie du Camping Universe ? Ou est-ce que du Camping, oui, mais complètement, Cinématique Universe. Mais complètement, puisque nous-mêmes, on dormait au camping. En fait, on était logés dans un camping. C'est vrai. À 7, ouais, le camping, ouais. Le Castellas, 4 étoiles, c'était très très bien. et c'était vraiment cool. Et moi, j'adore le camping, donc oui. Et on était en boule. C'est le seul film où tout le budget est dans le film. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, les gens ils me parlent de taxi, de Fast and Furious, mais c'est camping quoi depuis le début. voilà, donc. Ah, ça c'est bien vendu, ça. Bah, ça va donner envie. Ouais. On avait trop. Pendant le tournage, super. On avait Falco quand même. Et c'est une fin de carrière. Ah, je suis pas allé bien loin, effectivement. Merde. Ça s'est vite arrêté. Je me suis encore saboté. Bon, bah ok. Alors, c'est la question qui revient beaucoup. On va pas faire 1000 ans dessus, mais c'est sur Netflix. ce n'est pas au cinéma. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça s'est pensé assez tôt? Parce que maintenant, alors moi j'ai un mini bout d'orteil dans le cinéma, mais je sais que très vite on se dit, bah en fait peut-être Netflix, effectivement il y a peut-être plus de liberté, il y a peut-être plus de place, il y a peut-être tout ça, c'est peut-être un fantasme. Est-ce que c'est vrai que pour un film d'action, c'est plus simple à financer en allant voir Netflix ou aller en salle? Non, moi je sais pas. En fait, le montage financier s'est fait assez tard. On était vraiment dans l'écriture, dans la recherche de coproducteurs, etc. Mais quand il se pose la question du diffuseur ou de la personne à aller voir et tout, moi j'ai dit de suite à Rémi, donc le producteur, s'il y a Netflix dans la liste, il faut qu'on aille voir en premier. Parce que je sais qu'un film de genre d'action, en plus, s'il sort en France, il va sortir dans 20 salles, il va faire 20 000 entrées. Ça c'est des choses que je devrais pas dire, et donc du coup voilà, mais je l'ai dit, et du coup effectivement moi ce que j'ai envie, c'est que le film il soit vu et qu'il soit accessible à tout le monde. Et comme je suis pas du tout un fétichiste de la salle, à part pour les gros gros blockbusters genre les Nolan machin tout ça, ben je suis habitué au streaming depuis tellement longtemps en fait que puis j'adore regarder les films en Blu-ray, en DVD, tout ça. Ça me paraissait, un film reste un film en fait, peu importe son moyen de diffusion. Et c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de fantasmes sur Netflix, encore plus à l'époque où on a financé le film. C'est que des trucs, ça me faisait marrer quoi, parce que c'était un peu faux quand même. Voilà. Alors, moi je suis allé dans leur bureau, j'ai pas croisé l'algorithme par exemple. Enfin, bon, mais c'est tout. Moi je voulais vraiment travailler avec Netflix et on a eu du. Enfin, on a bien fait du coup, parce que quand on les a rencontrés, on parlait immédiatement le même langage de fabrication, de trucs. Il y avait un côté très pragmatique, genre de faisabilité, comment ça marche et tout. Alors qu'avec d'autres interlocuteurs un peu plus français, on va dire, on perd plus de temps, ouais. Où ils s'en foutent de la fabrication. Voilà. Oui, puis même pour le genre, ils ont l'air d'être un peu friands. Alors moi, j'ai pas tout vu, mais bah, toi, t'es dans Marianne, par exemple, qui est une série fantastique sur Netflix. J'ai vu qu'il y avait Vampire, alors j'ai pas regardé, mais enfin, il y a pas mal de trucs, mine de rien, ils ont l'air de vouloir. Parce que c'est vrai que, alors si vous écoutez l'émission, c'est le genre en France, il y a quand même un truc où il y a eu plein de tentatives, et souvent il y a quand même un truc de c'est difficile. On voit par exemple beaucoup de réalisateurs qui partent aux États-Unis parce que au final on vient les chercher, machin et tout. T'as envie toi en tout cas de continuer, de dire non, j'aimerais bien continuer en France, j'aimerais bien réussir à faire des films d'action. Alors, français. À titre personnel, moi j'ai pas le choix parce que les Américains parlent pas français. Donc je peux pas vraiment aller bosser chez eux. C'est là où ils ont merdé, les mecs. Ouais, exactement, ils ont merdé de ouf. Bah, ils le savent, ils le savent. Moi je pourrais pas travailler. Tu pourrais pas te bastonner avec Mark Wahlberg, déjà par exemple. Non, j'ai pas l'accent d'Alban, j'ai pas bilingue comme lui, donc ça serait compliqué, mais. Non, voilà, donc moi j'ai vraiment envie, s'il y a l'opportunité et le moyen de le faire, à continuer à travailler ici. On a tous les talents qu'il faut dans tous les domaines, que ce soit baston, cascade mécanique et tout. On a les meilleurs techniciens quoi, qui évidemment se font tous absorber par les States ensuite quoi. Ah, autant qu'ils restent ici puis on fait des films entre nous quoi, voilà. ouais, qu'on fasse des films de des blockbusters quoi, français. Ouais. Bon bah trop cool les gars. J'ai des questions d'auditeurs. Oh. Est-ce que alors il y a des ça va êtes, des têtes ça va super moi. J'ai fait une sieste de 10 minutes là. J'avais parlé non mais de... c'est ça non mais, bah, merci. Non mais merci. J'ai eu un doute, j'ai cru une non, mais c'est juste gênant, parce que j'ai... c'était chiant, j'ai bien mangé et après tu respirais plus quoi. Non. Merci à toi. Vous êtes des têtes d'affiche, mais c'est vrai qu'il y a aussi Ramzi Bedia dans oui. Le film qu'on voit dans plein de films de cinéma et compagnie. Est-ce que c'est une. Pourquoi est-ce allé le chercher lui? Parce qu'il y a quand même un truc où il n'est pas spécialement drôle dans le film. Y a pas, en tout cas, il n'y a pas vraiment de comédie. Pourquoi être parti sur. Je ne vais pas utiliser le terme. Je ne vais pas dire que ce soit de chat au pantin non plus, mais est-ce qu'il y a un petit côté contre-emploi quand même? Oui, complètement, mais je pense que c'est. Il y a plein d'acteurs comme ça qui ont commencé comme des comiques, machin, sur scène, etc. Et qui se retrouve au bout d'un moment à percer. Moi, je pensais à Marina Foïs, machin, tout ça. Enfin, c'est des acteurs de classe A maintenant, quoi. Mmh. Et je sais pas, moi, j'adore Ramzy depuis que je suis ado. Hein, du coup, Eric et Ramzy, machin, tout ça, on a tous grandi avec eux. Et je sais pas, je le voyais, je me disais, mais ouais, c'est peut-être son tour aussi de faire ça. Et puis je sentais que le mec était bienveillant, qu'il avait une énergie naturelle, qu'il allait kiffer faire le film, en fait. Voilà. Donc même si c'est un rôle à contre-emploi. Je savais qu'il allait de toute façon s'amuser à le faire et qu'il serait, fier en fait d'être là quoi. Voilà. Et ça c'est important. Voilà. Ah, il est trop cool dans le film. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de le voir comme ça parce que c'est vrai. Enfin, moi je suis méga fan de Ramzy aussi. Je le connais pas du tout. C'est un super acteur. C'est un super gars. Super acteur. Et même et je le trouve Enfin, c'est un gars qui me touche beaucoup. Moi, j'ai vu Hibou, par exemple. C'est un film très touchant. Tu vois, c'est un film. Enfin, moi, j'aime beaucoup Ramzi. Et bah, après, il a fait un autre film d'action, excusez-moi, qui est La Tour Montparnasse Infernale. Et j'adore. Ben voilà, qui est quand même une, la parodie française de Die Hard. Qui est quand même, voilà, c'est le hot shot de Die Hard. Pour le bal perdu, sur le temps de tournage, quelle est la part jour de tournage consacrée aux scènes d'action et celle consacrée aux scènes de jeu, hein, dans la précision la plus pure. Les auditeurs de Footcast. On a eu quoi? On a eu 38 jours de tournage. Les 15 premiers jours ont été destinés aux courses-poursuites, en sachant qu'on s'est tapé la tempête, les jours fériés, donc on en a eu quoi? Oui, en fait, on s'en fout de tout ça. On a commencé par la poursuite finale, en fait. Donc c'était une dizaine de jours pour la poursuite finale. Merde, j'ai spoilé le. Bon, et ensuite on a eu. qui est en bateau. Voilà, non, mais... voilà. J'essaie de brouiller les pistes. En montgolfière, ici. Vraiment, c'est très, très, très long. Bon. Ensuite, on a eu deux jours pour la grosse baston, voilà. Et puis une journée pour la petite baston avec Seb, voilà. Bah, super. Et deux. Ça lui a coûté la vie, je te rappelle. Hein. Oui, petite baston. Vous auriez dû voir la gueule qu'il a fait quand il a dit ça. C'est fou. Ouais. C'est pas j'ai connard. La chamaillerie là, l'escarmouche. Bon, bah, une journée. Ouais, le mec s'est mis debout pour le dire. Bon, regardez dans. J'adore cette scène. C'est fou. Quoi. Donc c'est. Je pense que la proportion, c'est en tout une vingtaine de jours. Ce qui est quand même pas beaucoup. Non, c'est sûr, c'est pas beaucoup. Pour de l'action, enfin déjà en règle générale, c'est pas énorme. Bah, toutes les grosses scènes d'action mécaniques, déjà c'est simple, c'était du one shot. D'accord. Ah, une fois non, que c'est cassé. Donc c'est voilà, cassé. C'était du one shot et avec Guillaume, il y a plusieurs fois, on a fait au gars, mais. Ça va marcher, hein. Ils font, on l'a jamais fait. Véridique, c'est pas arrivé qu'une fois. Nickel. Ah oui, ils se mettaient la pression, du coup, et c'est vachement bien, quoi. Et vous êtes content parce que, enfin, du coup, il y a pas eu de truc où ça a planté. Tout. Non. Passé. Il y a un pneu qui n'a pas crevé au bon moment. Ouais, mais c'est pas grave. Point barre. Non, mais c'est ouf. Non, mais c'est ouf. On a été bénis. Mais par exemple, pas de blessés graves. Pas de. Pareil, il s'est levé pour regarder Sébastien dans les yeux. C'est très c'est compliqué cette ambiance. Qui ne peut plus se lever, d'autant plus. Non, mais par exemple, il y a une scène. Enfin, il y a un plan dans la bande-annonce qui est là, c'est-à-dire c'est la Renault 21, évidemment, toujours la même, avec des harpons qui arrachent les cieux, qui coupent une voiture en deux, en fait. Et pour ça, nous, il y avait cette idée que les mecs l'avaient jamais fait. Ils savaient que c'était possible, qu'on pouvait le faire, mais ils savaient pas trop si. Le pare-choc allait pas rester sur les harpons, enfin ça devenait. On pourra le refaire ? Ben non. Voilà, donc ils savaient qu'on pourrait pas le refaire et j'avais bien. Donc ils se sont mis la pression, les mecs, pendant des jours et des jours. Toi aussi, j'imagine quand même qu'on dit on peut la faire qu'une fois, j'imagine que tu te chies un peu dans ton bain. Tout le monde au cadre, enfin tout devait être parfait, et plus le cadre qu'à fourrer qu'autre chose, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup, effectivement, ils ont fait en sorte que la voiture se désintègre tellement ils se sont mis la pression, quoi, voilà. Et donc ça c'est important. De bien mettre la pression. Ouais, c'est pas des effets spéciaux, c'est ça qui est génial, quoi. Quand même. Ouais, c'est du vrai, quoi. C'était quoi t'avais des influences directes sur le film outre le cinéma, comme tu disais, asiatique, sur les courses en bagnole, les courses poursuites en bagnole, par exemple. Ouais, le film qui revenait le plus souvent, c'était Jack Reacher pour sa poursuite. Là, c'est un film de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, justement, qui conduit sa. Une bagnole, on voit que c'est lui qui conduit tout ça, donc je voulais ça. Il a sa boîte d'assurance, voilà. Exactement, donc voilà. Donc, bah, Alban, lui qui monte sa boîte d'assurance d'ailleurs. C'est la première chose que j'ai dit. Comme Dieu donné, pareil. Voilà, bah, merci. Ouais. On s'en va. Donc, Motorway aussi. Motorway, c'est un film hongkongais sur une petite brigade de flics en gilet jaune qui font du drift. D'accord. C'est vraiment super cool. Ouais. Tu me l'as vendu, moi. Hein, avec des très bonnes poursuites. C'est gilet jaune qui t'a donné envie de voir. Bah ouais, je connais, je suis profondément de gauche. Ils font des poursuites à l'arrêt, des fois. Enfin, vraiment, il y a des concepts très sympas dans le film. Des poursuites à l'arrêt. À l'arrêt, ouais. Vraiment, c'est des histoires de prendre des. Je peux pas expliquer, mais vraiment, c'est que du drift. Et des fois, c'est du drift à l'arrêt, quoi. Wow. C'est très conceptuel. Il faut regarder le film, ouais, c'est vraiment magnifique. Motorway. D'accord. J'ai plus le nom du réel, mais. Après, bon, bah, j'aime. Non, je voulais une poursuite qui soit lisible, surtout, avec des bonnes cascades à l'ancienne. Comme les combats. Parce que, en fait, j'ai à force de filmer mes poursuites comme un clochard depuis le bord du trottoir avec mon caméscope. Là, j'avais la chance d'avoir un bras qui suivait les voitures, l'action. Je pouvais avoir des voitures qui roulent et qui vont vite. Et donc, du coup, voilà. Il fallait que ce soit lisible et. Bah, trop bien. Voilà. Trop bien. Mais justement, tu parlais de la compagnie d'assurance allemande. Enfin, je veux dire, dans quel état d'esprit t'es au moment du... Parce que moi, je ne m'imagine même pas jouer, en fait. Enfin, quand t'es dans une bagnole et que tu dois te foutre derrière le truc et tout, t'avais jamais fait vraiment de course-poursuite en voiture. Oui, c'était la première. Oui. T'avais fait de la baston, mais de la course-poursuite en bagnole. Oui, mais oui. Bah, c'est ça qui a posé aussi problème pour leur dire, non, mais ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais. T'as fait des stages un peu ? On a fait 2 heures sur un circuit avec Jean-Claude Lagnez. J'ai fait 2-3 têtes à queue. Je fais t'inquiète. C'est bien, je l'ai fait maintenant. J'ai fait... tu vois ? Non, t'avais fait aussi, je crois, une smart box sensation forte. Oui, quand même. C'est ça. Ouais, voilà. Tout à fait. Tandem. Et non, mais du coup, ça se fait petit à petit. Ils te laissent dans la voiture, ils sont pas bien. Donc tu vas à 50 km/h. Ils font bon, bah le mec a l'air de gérer, puis d'écouter, puis après t'accélères, puis 80, puis 110, puis quand tu vas trop vite, après font, bah, voilà, on va arrêter parce qu'il va se planter. Mais c'est aussi pour ça qu'on a. Mais c'est faire ce hyper film. Concentré en fait. Parce que là, il y a du danger, ouais. Mais en fait, tu penses pas du tout à toi. Tu penses à défoncer la caméra en face de toi qui est accrochée à un énorme 4x4 BM. Mais ouais, avec des pilotes, les gars, c'est des dieux, quoi. Ouais, mais impossible à raconter notre anecdote. Elle est pas intéressante, en fait. Je sais même pas laquelle. Bah, quand t'étais à côté de moi, puis qu'on a failli crever. Allez, alors. Oh, bah si, je pense à beaucoup, quoi. Non, pas crever. D'un point de vue extérieur, c'est intéressant. Oui, oui. Mais. C'est pas. Bon, bref. Oui, bref. Non, il y a le cascadeur qui a perdu ses freins. Et là, on s'est dit, en fait, il va. Bah, il va nous rentrer dedans, puis on s'est dit en même temps, s'il est pro, il va pas le faire, donc il va finir dans l'eau, mais qui est, il y avait un petit trou quand même, tu vois, un bon trou, quoi, avec un cadreur derrière qui était avec lui, et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, non, tu sais quoi, on va aller tout droit, en fait, et on a bien fait, je crois, parce qu'il nous a confirmé après qu'il fait, ah bah oui, moi, je rentre pas dans le comédien principal réalisateur, donc là, on finissait dans l'eau, puis bah, on voyait ce qui se passait, quoi. Mais c'était. Ah ouais. Ouais, fallait être là. Comment ça, il avait pété On a tellement fringues. Rigolé, mec, faut la sortir. Ouais, cette c'est... Mais c'est y a de la bagnole. Caméra devant moi, mec, sur le. Déjà, il voit rien, sur voilà. Capot, je vois que, donc on roule comme des balles, quoi. Et c'était assez cool. Et tu vois les rushs, mais après, ce qui s'est passé, mais on éclate. Alors, malheureusement, il est. On voit que son coude à côté, mais on éclate de rire avec Guillaume. C'est les nerfs qu'on lâchait, on est bien d'accord. Ah ouais, ouais, mais ouais. C'est pas les nerfs, c'est que. C'était magnifique. On aime bien ça. Et il y a juste Toki, elle a. Merci Allemand. De rien. Oui, mais du coup, c'est vrai que là, on a passé un cap avec les cascadeurs où ils préféraient quelqu'un qui soit lucide et qui a un instinct autant de survie pour lui que pour les autres qu'un pilote qui va vouloir toujours aller plus vite, toujours plus fort et puis ben, qui peut s'en taper à côté. C'est vrai que ça crée quand même un petit truc qui a simplifié pour me laisser un peu plus au volant après, quoi. Mais ces mecs-là, d'ailleurs, souvent, ils ont. Enfin, alors moi, j'ai jamais bossé avec des gens qui font des cascades en bagnole. Parce qu'il y a peu de cascades en bagnole dans ce que j'ai fait. Ouais. Très, très peu. Assez peu. Mais on avait fait des trucs avec des mecs qui ont des armes à feu. Et c'est vrai que. Enfin, des fausses, hein, évidemment. Mais c'est des gens qui sont très, très passionnés. Et qui peuvent vraiment être très précis dans le. Toi, t'as fait pas mal de tirs, j'imagine, avec le fusil à pompe. Bah, comme ça. Là, sur le film. Un en peu, règle générale, même dans un les peu, autres. Bah, sur Antigang, c'est bien entendu. Et puis surtout sur l'intervention, on a quand même pas mal tiré, ouais. Beaucoup. Et là aussi. Mais heureusement que les mecs, ils sont passionnés, ils sont précis hein, sur ce qu'ils font. C'est un peu rassurant. Ils ont pas le droit. Parce que là aussi, parfois, il y a des. Ça merde, des fois. Il y a quand même de la poudre dedans, donc il faut. Ouais. Faut pas déconner, il y a des artificiers, heureusement, qui sont un peu geeks sur leur domaine. C'est plutôt bien. Mais du coup, est-ce que quand vous faites des films pas d'action, vous faites chier parce que c'est vraiment pas marrant de faire des. Tellement pas. Ou pas du tout. Non. Mais surtout que, ouais, en plus, toi, Sébastien, tu fais du théâtre, tu fais de l'art contemporain, des trucs comme ça. C'est, bah ouais. C'est vrai que c'est un autre délire. Quoi. Ouais, mais. C'est marrant, je vais te dire, l'autre jour je regardais Les choses de la vie à propos de bagnole qui se casse la gueule, Les choses de la vie avec Piccoli, et je me dis ce mec il a tout joué, il a fait plein de trucs, je pense qu'il s'éclate autant à faire son tonneau dans la bagnole, à tomber, à passer par la fenêtre que jouer des rôles de directeur de je sais pas quoi. Et non mais c'est enfin le métier d'acteur ça se résume pas à faire pampan et casser une gueule hein, c'est tu vois. Non mais ce genre d'anecdote, c'est les carrières, quoi. Où il y a des gens qui parlent des comédies musicales par exemple, tu as une adrénaline de tournage que tu as moins, disons, sur des scènes. Et par exemple, il y a des réalisateurs qui se font vraiment chier à tourner, à dire oui, c'est une conversation dans un salon, moi ça m'emmerde, faites-le, et voilà. Ça arrive aussi. Ouais, mais ça dépend comment tu fais ton métier. Je pense que si tu le fais à fond, quelle que soit la chose, il y a toujours moyen d'essayer de toi de te faire peur et d'aller plus loin. Enfin, moi je m'éclate en fait. Quoi que je fasse, j'adore ça. Et puis plus ça va, plus j'adore ça. Vraiment, c'est un truc assez incroyable. Je me sens pas du tout blasé, et c'est même incroyable. En fait, même pour être tout à fait franc, à chaque fois que je fais un nouveau projet, j'ai l'impression que c'est le premier. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est la première fois que je fais ça. J'ai l'impression de rajeunir là-dessus. Ça me, puis enfin, en même temps, c'est des kiffs hallucinants, quoi. De dire voilà, on va faire les bastons, tu auras 3 entraînements. Je fais non, j'aurais peut-être 3 mois d'entraînement. J'irai, et moi j'irai 3 fois par semaine pendant 3 mois. Parce que c'est trop un kiff, quoi. Enfin, c'est trucs, du bonus, c'est du gros bonus. C'est comme quand tu pars tourner à l'étranger. Tu vois, c'est le bonus. Ça change rien si tu l'avais fait. Ouais, j'ai cité une ville, mais je vais pas le faire. Autun, Autun. Oui, tu peux aller sur Autun ici. Voilà, tu peux y aller, t'inquiète pas. Mais tu vois, les grosses stars de films d'action, ouais. Généralement, quand ils ont commencé à faire ça, ouais. Tu m'as regardé. Genre. Comme Adrien, par exemple. C'est, depuis tout à l'heure, il parle de moi, il veut pas le dire. Moi, ça me fait chier. Toi, tu m'as tout appris au saigner. Non, je pense qu'il y a Stallone et Schwarzenegger, ouais. Van Damme et tout. Il y a un truc de ouais, mais la dernière fois j'ai failli mourir, donc c'était quand même des expériences de tournage un peu mieux que. C'est vrai que quand tu prends Stallone, il commence par Rocky qui est vraiment un film d'auteur, et après c'est vrai qu'ils sont. Enfin, il va à fond dans ouais. J'ai des mitraillettes, il y a des, y a des cascades en bagnole. Tous les tournages, il a risqué de mourir, et il disait à chaque fois que j'ai failli mourir, le film a cartonné. Et du coup. Je bon, moi j'en ai un peu rajouté, c'est les gens derrière qui ont failli mourir, pas trop nous. Mais j'ai failli prendre feu par contre. Ah, c'est vrai, ah, oui, ça marche aussi. Hein. Ah, j'ai juré. Ça rend d'en mourir, hein, tu sais, prendre feu. Hein. Non, mais il y a évidemment. J'ai hurlé, mec. Il y a évidemment la recherche du danger et de où est la limite, est-ce qu'on peut la pousser encore plus loin. Quand Albon conduit une voiture en feu, par exemple, dans le film, c'est ça, et que c'est réussi à la première prise, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en faire une seconde? Oui, bien sûr. Le premier dit non. Le premier assistant, il dit non. Mais regardez, c'est super bien. Ouais, bah ouais, bah on va justement, faire mieux. Refaisons, essayons de voir si on est-ce qu'il et peut prendre feu pour de vrai. Après, c'était pas longtemps. C'était différent. Hein. Utilisable, vu que j'ai vite disparu en hurlant, en fait, vu que la voiture prenait vraiment feu. Ah, bah, ouais, le feu est rentré, bien sûr, évidemment. On l'a cherché. Ils sont rentrés dans le. Le premier assistant, des fois, ils se mettent avec des conneries. J'imagine vraiment que le premier assistant a dû prendre soin pour dire. Je l'avais dit. Enfin, voilà. Et la coiffeuse était contente parce que t'étais crépus et roux, quoi, en sortant. Mais encore une fois, la première chose qu'on a fait quand t'es sorti de la voiture, c'était rigoler, quoi. Tout le monde était mort de rire. C'est-à-dire que les cascadeurs nous ont dit, de toute façon, on brûle pas comme ça. Donc on a appris plein de choses techniques. Bah, alors rajoute-en. Allez, une troisième. Allez, on se remet en place. Le premier as. Oh, je suis mi-figue. Non, mais la petite anecdote que tu garderas ou pas, c'est. Donc on fait la première prise. Trop bien, ça se passe trop bien et tout. On voit, il fait les trucs. On fait, ah, allez, ça manque un peu de flamme. Tac-tac, bien, on en fait une deuxième. Donc il se passe le premier et tout ça. Prêt pour faire la deuxième prise, je suis dans la voiture, je suis chaud patate. Et là, d'un coup, j'entends « Hey !» Je fais quoi ? Et là, je me retourne, j'avais oublié qu'il y avait un mec derrière, sur la banquette, arrière, caché sous une couverture semi-infugée, qui avait les trucs de gaz, en fait, les bonbonnes, quoi, qui géraient les commandes. Non. Ah non, ok, non. Pire que ça, il n'y avait pas d'extincteur. Oui, parce que j'avais trop facile. J'avais eu un trop petit facile. Accident. Il avait une bouteille de flotte. Ah oui, non, c'est après qu'ils m'ont rajouté l'extincteur, ouais. Justement parce que ça s'était mal passé, là. Ça et le mec qui fait passé. Hey, oh, t'es une bonne idée dès le début, je pense. Tu m'oublies pas, hein. Bah, vous rigolez ou pas? Le mec il me dit pas ça, mais je l'aurais tellement oublié. Parce que. Mais non, parce que ce qu'on sait pas à ce moment-là, c'est que c'est la dernière prise de la R21. C'est-à-dire que. Elle prend, on s'en fout. C'est-à-dire que moi, le mec me dit pas ça. À un moment donné, je fais 15 mètres, il y a le feu dans le coffre, dans le rétro, c'est chambé. Et d'un coup, mec, c'est backdraft, c'est ta joueur. Non, mais vraiment, t'es dans le rétro. Et d'un coup, tu vois, tu fais ça, c'est pas normal ça. Le feu vraiment qui monte sur le plafond. Qui prend le volant? Non, je prends le plafond. Tu fais, t'entends un petit. Tu fais, ok, donc là je brûle concrètement, mes cheveux brûlent et tu vois, t'as pas mis de flotte et tout. Et là, le mec me dit pas juste avant, m'oublie pas. C'est-à-dire, m'oublie pas, ça veut dire qu'il y a point A, démarrage, 100 mètres plus loin approximativement, point B, les pompiers. Tu t'arrêtes au milieu, le mec le sait pas parce qu'il est sous sa couverture et le temps que les pompiers arrivent, tu vois, c'est foutu quoi. Mais je serais sorti de la voiture derrière, j'aurais mis le frein à main, je serais sorti, c'est pas grave, bon, de toute façon c'était la dernière prise. Et donc je suis allé en hurlant pour les 90 restaurants. Et c'est dans le film un petit peu. Ouais, on va voir qu'à un moment film, donné tu me vois bien, puis on revient dessus, ah bah tu me vois plus mec. Et là il y a un autre son voilà. Parce que j'hurlais. Ouais. J'hurlais pour que les pompiers n'attendent pas qu'on arrive pour intervenir, pour dire les gars, je vois pas, donc faites attention que je vous écrase pas. Et vraiment, mais direct quoi, sortez. Oh, les mecs, ils nous ont jeté de la voiture quoi. Et c'est vrai que. Et le mec est mort. Hein. Non, mais le mec avait beaucoup d'expérience. Le film, je l'ai vu, mais danser à se regarder, mais toutes les parties de son corps, tu sais, comme t'es persuadé de t'être fait tirer dessus pour dire, mais c'est ouf, on n'a pas brûlé quoi. Et c'était trop cool. Quand il y a des tonneaux de bagnoles et tout, les bagnoles elles sont vides ou quand même il y a des gens. Non, bien sûr, il y a un mec dedans. Bien sûr. Ah ouais. Mais les cascadeurs. Parce qu'il y a toute l'équipe dedans. Il y a beaucoup de bagnoles défoncées. Il y a une voiture vide, c'est celle-là. Ouais. Il n'y a pas que les bagnoles qui étaient défoncées. C'est la seule. Parce qu'il y avait un canon à la place du gars. Mais, ouais. Mais les mecs sont. Les cascadeurs, il faut les voir au volant. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est mieux quand Salmon qui fait les cascades. Les cascadeurs font un travail extrêmement précis, mais ils sont tellement détendus, eux, au volant, que c'est limite, ils n'ont pas le coude sur la vitre, quoi. Il y a de temps en temps, moi, ouais, c'est un truc. Ils sont pas stressés, quoi. Et il y a des mecs dont le métier, c'est de faire des tonneaux. Donc là, on avait un mec, il était venu spécialement. Ça s'appelle comment? Un tonneauiste? Un. Oui. Ouais, on va dire ça. Okay, c'est pour les vérifier, c'est ça. C'est ça. Et c'est des mecs, c'est des montagnes, quoi. Et ils viennent exprès pour ça. Et, incroyable. Le mec, il vient. Il vient, c'est uniquement. Par contre, c'est pas galère. Non, c'est vraiment très dangereux. Il y a des spécialistes en cascade qui font la torche, ou tu vois, il y a vraiment spécifiquement des. Moi, j'ai fait 3 tenons en voiture. C'est vrai. Sur son temps libre. Sûrement. Moi, il n'y avait pas de tournage, il n'y avait rien. Je l'ai fait par pur kiff. Ouais, 3 tenons en bagnole. Bah, en Bourgogne. Dans une forte focus, c'est max. Mais t'as perdu un temps fou ce jour-là. Ouais, bah. C'était vraiment ça. Ça tournait pas en plus, t'avais oublié de mettre. Mais par contre, là où t'as raison, c'est que les bagnoles plus récentes, elles sont vraiment faites pour être. C'est pour ça qu'à un moment, je me dis, la Renault 21, c'est quand même ultra dangereux. Parce que si elle percute un truc. Enfin, c'est vraiment, c'est pas des bagnoles faites. C'est con ce que je dis, mais c'est pas des bagnoles faites pour des accidents, quoi. Non, complètement. Parce que les voitures maintenant, elles sont faites pour être très. Enfin, nous, on a eu zéro blessé. Comment ? Se compresser. Exactement. Pas en fait. T'as le pare-brise qui pète en 1000, t'as la voiture qui se compresse et tout. Voilà. Une Renault 21, moi, elles sont pas faites pour. Ouais, j'imagine vraiment le pare-choc rentrer dans la. Ah oui, puis le turbo parfois il se déclenchait comme ça. C'est vrai. Déjà, il y a un turbo. Il y a un turbo, on l'entend bien dans le film, et j'en suis très très fier, mais bon, c'est pas intéressant. Non, mais voilà, mais donc c'était. Il y avait un risque supplémentaire à bosser avec des vieilles bagnoles, quoi. Il y a une Clio aussi au début du. Non, ça les éclate beaucoup, c'est des bagnoles, ils arrivent à prévoir vraiment où elles vont retomber, ils savent qu'elles vont. Si elles sont de telle année, elle va rebondir comme ça, et ils savent à 2 mètres près à peu près où elles vont se remettre. Et dans le film, effectivement, le tonneau qu'on a, la bagnole, elle finit carrément garée, en créneau, elle a touché aucun mur, enfin même pas les bits en métal sur le trottoir. Enfin, comment est-ce que le gars a fait, on sait pas. Voilà, mais moi, chaque fois que je vois, c'est un effet numérique. Il y a le rétro qui s'est retourné, c'est sur un créneau, un truc con. Mais c'était calculé, ça, ou ils ont un peu serré les miches? On saura jamais, mais je pense que c'est à les deux. Bah, c'était calculé du coup. On sait pas, je pense pas. Si, ouais, je sais pas. Ils disent d'aller en hiver, puis ils calculent tout, puis ils savent qu'il y a une petite marge d'erreur, peut-être quand même. Il y a une marge d'erreur de 2 mètres à chaque fois. Ah, c'est beaucoup quand même. À 2 mètres en ville, ouais, mais en ville. Non, bah, faut, je sais pas. On se chie. Il s'agit du flow de cast. Les gars, on va passer à la deuxième partie de l'émission. J'ai un petit jeu à vous proposer. Alors, je sais que j'ai des amoureux de films d'action autour de la table. Je vais vous faire un petit blind test, mais pas un blind test musical, parce que Adrien, je le connais, il est trop fort en blind test musical. Arrête, donc j'ai complètement. T'allais me faire un regard un peu. Puis t'as fait non en fait. Non, mais non. Non, mais j'ai. J'ai pas d'embrouillé. On va se bastonner devant le McDo. À Saint-Ouen. On va à Saint-Ouen derrière. Non, j'ai noté. Non, parce que t'as dit que t'aimais pas les blind tests, c'est pour ça que je t'ai regardé. Genre, d'accord, rassure-toi. Non, là c'est un blind test de réplique de pardon, film. T'as rassuré bien là, on est d'accord. Franchement, frittez-vous. C'est un blind test de réplique de film. Alors je sais que Robinson peut être très fort à ça aussi. Je vous ai pris des répliques de films. Alors j'ai pas pris que des trucs très cultes. On va les mélanger. Moi je peux être nul, moi. Je peux vraiment être nul. Oui, mais il y a un mélange de si tu reconnais la voix, si tu reconnais l'ambiance. Je tirerai mon épingle du jeu en si tu reconnais le titre, c'est ma vie. Alors c'est que de la VF, hein, par contre. Je préfère vous le dire tout de suite. Non, c'est très bien. C'est que de la VF. Oui, mais ça donne un cachet. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais le mec de la voix d'Harrison Ford, il fait I can fight for you. Et en fait, c'était enregistré à l'époque. Je vous mets le premier. T'as la trouille, mon salaud. Ben tu devrais. Parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. Rambo ? J'avale deux bérets verts au petit déjeuner. Et justement, portée disparue. J'ai très faim. Delta Force ? Oh. Ouais, j'aurais dit Rambo aussi. C'est pas... Non, la voix c'est celle de Richard Darbois. J'ai très faim. Moi, j'aime bien quand il dit ça. Justement, j'ai très faim. Et Richard Darbois qui doublait Harrison Ford dans mon film. Mais là, c'est pas Harrison Ford. C'est Pensée cinéma d'action, années 80. Remets un petit coup. On a dit Rambo. Ah, oui, on a dit Rambo. Mais tu devrais, parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. J'avale deux bérets verts au petit déjeuner. Ça, c'est Steven Seagal. Justement, j'ai très faim. Les bruits des néons sont bien aussi. Ouais, c'est naturel, hein. C'est des trucs pris sur le plateau, ça. Bon, bah, échec. On entend ta côte d'ailleurs. Mais d'ailleurs, le mec il mange deux bérets verts le matin. Mais ouais. C'est hyper désagréable. Pensez à un gars du coup qui a une carrure à manger deux bérets verts. Ah, Vin Diesel. Non. Non, calmez-vous les mecs. C'est Arnold Schwarzenegger. Ouais, et c'est Commando. Commando. C'est Commando. Je l'ai dit en premier, c'est moi le point. Pas vu. C'est peut-être mon seul point. Avec Sam Milano. Justement, j'ai très faim. Je vous mets une autre voix très connue. C'est vrai. Et moi j'étais très amoureux d'elle à l'époque. Quand j'étais toute jeune. Et une scène un peu. On avait le même âge. Oui, oui. Voilà. Oui. Et, ouais. Non, très mal formulé. Parce que t'as dit. Ouais. Non, vous arrêtez. J'ai pas léché mes babines. Oui, t'avais le même âge, t'étais même beaucoup plus jeune. J'étais plus jeune, moi je suis pas né quand Commando est sorti. Je l'ai vu petit. Pourri ! On ne me menace pas, moi ! Ce n'est pas une menace, monsieur Scalaise. C'est une promesse. C'est une prédiction. Ah merde. Wow. Putain, j'ai merdé. Oh, c'est vachement vieux tous ces films. On va aller dans le plus récent après. Ça, putain. Il y aura du Michael Bay ou pas ? Non. Si, c'est Chuck Norris. Et c'est. Ah bah. Putain, comment ça s'appelle ? Ça, il n'a pas fait mille. Bah, c'est ça, faut que je revoie Delta Force. Ouais, j'allais dire ça. Le 1, le 2, Delta Force. C'est Delta Force 1. Mais c'est Delta Force 1. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai cité tout à l'heure ou pas ? Bah oui, c'est pour ça. Vous avez vu Sidekick ou pas ? Bien sûr. Non. Merci. Si c'est Jonathan Brandis qui était le petit jeune et il était asthmatique, donc moi j'adorais personnellement. Et son héros c'était Chuck Norris. Et Chuck Norris l'aidait dans les films. Toujours un peu la même chose, genre draguer des meufs, monter à la corde et niquer le méchant du lycée. C'était fou. Bah, monter à la corde, c'est hyper spécifique ça. Ils ont fait un film là-dessus. Mais en fait, c'est le j'ai l'impression que tu critiques le scénar là. Mais t'as aussi Forest Warrior où il se transforme en ours, Chuck Norris. Mmh. Sans vouloir vous le spoiler. Bah, ça, je l'ai tu veux dire en nous le conseillant. Forest Warrior, il se transforme en ours. Ouais, c'est le cas du Concile de Pierre aussi. Ouais, moi, j'étais fan de Manimal quand j'étais enfant. Ouais, c'est les mêmes effets spéciaux. Tu sais qu'il y a eu. Mais il y a eu que 7 6 épisodes. 7. Ah, pardon. 7, ah, 7, c'est vrai. Oh, c'est pas vrai que 7. Ouais, ouais. C'est quoi le son quand il se transforme? Il n'y a pas un truc? Non, mais c'était affreux. Un truc comme ça. Monica Bellucci, récemment, dans le Concile de Pierre, se transforme en ours. Récemment, oui, il y a 15 ans. Parce qu'elle est une chamane. Tous ces chefs-d'œuvre à côté desquels je passe. Là. Je vous mets le prochain extrait, peut-être un de mes préférés. Voilà, je le grille tout de suite. Soyez heureux. Soyez enculés. Attends, soyez heureux, soyez enculés, c'est ça. C'est Stallone. Ah, ça, c'est ça. Julien Pestel. Ça. Non, c'était pas la voix de Stallone. C'est pas Stallone. Alors si, c'est Stallone. Ah, ouais. Si. C'est Stallone. Pensez, soyez heureux. Cobra. Soyez heureux. Arrête, ma mère va tirer. Non. T'as dit quoi? Haute sécurité. Non, pas haute sécurité. Oh, putain, j'aurais dû mettre du haute sécurité. Tango et Cash? Non, pas Tango et Cash. Ah, joli. Un peu sci-fi. Ah, j'en ai trop dit. Bah, c'est pas Demolition Man. Rocky. C'est Demolition Man. Okay. Ah, soyez heureux, c'est les méchants qui disent tout ça. Soyez heureux, soyez heureux. Donc Stallone leur dit soyez enculés. Soyez enculés. J'avais jamais vu la VF. Je pense qu'ils disaient get fucked en anglais et ils ont traduit littéralement soyez enculés. Il a parlé d'un 2 pendant le confinement. C'est mieux en français. Il a parlé d'un Demolition Man 2. Ils vont faire un Demolition Man 2. Et on avait vu le retour de l'enculage. On avait vu une très bonne conférence du gars, du réalisateur, qui disait qu'il était visionnaire sur. Le les 2.0 et les réseaux sociaux. Ah ouais. Je vous conseille de revoir The Demolition Man sous ce prisme-là. Moment très étrange, oui, avec Robinson Latour, nous allons au forum des images. On est quoi, 16 dans la salle? Pas beaucoup, ouais. Le réalisateur de Demolition vient voir, invité par le réalisateur de Petit Paysan, qui est en fait fan de Demolition Man. Non, je vous jure, c'est vrai. C'est pas possible, je vous jure, c'est vrai. Et donc, il l'invite et on a vu Demolition Man. Et on a vu Demolition Man au cinéma. Et moi, c'est vraiment, j'ai adoré pouvoir voir. Et j'ai découvert L'Arme Fatale au cinéma aussi. Mais t'as quel âge? Moi j'ai 28 ans. Ah ouais, d'accord. Oui, oh, ça va, oui. Non. De haut, t'as regardé de haut encore. Nouvelle. Si tu goûtais le goût légèrement sucré du bout de ma bite. Mais qu'est-ce qui se passe ça, là, hein. Alors, ça par contre, et c'est mon message de répondeur, donc je vois pas. Mais on a changé de genre cinématographique, non? Non, c'est un film d'action. C'est pas encore Chuck Norris? Non, ça c'est beaucoup plus récent. C'est Ryan Reynolds, je peux vous dire ça déjà. C'est Ryan Reynolds. C'est Deadpool. C'est... Donc ouais, c'est pas Deadpool. Dire, ouais. Six Underground, non. Non. Six bah Underground, alors, j'ai rien. Alors c'est Blade 3. Oh. C'est Blade 3. Oh là là, l'expert. Bah moi j'ai découvert dans Blade 3. Moi aussi. Ryan Reynolds, j'ai fait. Hey, alors là. Pas dégueu toi. Ouais, beau gosse. Et il fait des blagues. Mais par contre, on a découvert aussi le méchant qui était le frère du gars dans Prison Break là. Ouais, le... Tout à fait. Et lui est horrible. Ouais, voilà, exactement. Et c'est il est horrible dans Blade 3. Et il y a Triple H, le catcheur. Il jouera plus là, je crois. Bon, allez. Je te jure, Wow. J'ai trop de films à regarder là. Ouais, moi, c'est pareil. Le catcheur, bon, qui joue Dracula. Ouais. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'être le mauvais élève au fond de la classe. J'ai trop peur qu'on m'interroge. On va te mettre un coup de sauté, Sébastien. On va t'en caler un petit. Oh, quel mépris. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Il y a une réplique sans queue bite. Bah écoute, alors, il faut être honnête que la plupart des films d'action qui se veulent testostéronés parlent que de couilles. Il est question que de couilles et de bites. J'allais pas te mettre Yippie-Ki-Yay. Je suis allé chercher. Non, mais t'aurais pu mettre Womack, espèce de balai à chiottes. Tu vois, alors, il y aura peut-être des trucs de ce style. Ah, ne spoil pas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dingue, dès qu'on parle de film d'action, il faut dire beat ou il faut dire. Bah, non, les souvent, époque. Souvent. À l'époque. Sachant que ça, c'est 70s. Il y en a encore aujourd'hui. Sachant que ça, c'est 70s. Donc ça on est vraiment. Putain, mais ça me fait pas. Oui, mais c'est une question de faire ça. Besoin de parler de ces parties génitales dans les films d'action, même maintenant. Quoi. Sauf dans un film qui a la maternelle. Très peu de beat dans Val Perdu, tu l'as dit. Il y a pas le temps. J'espère bien. Puis m'entends rien. Mais attends. Attends, je sors ma bite, mais il y a pas le temps, putain. Attends, attends, attends, attends, attends, okay, c'est coupé. Tu vois bien le qui prend feu. Oui, pardon. Il voulait pisser dans une bouteille. Non, mais le moment, il y a pas le temps. Il y a un moment, ils ont arrêté de faire des punchlines juste après avoir tué un gars. Et j'aimerais bien savoir quand on a dit bon, bah c'est ringard. Enfin, on arrête. Ah. Mais bah, je pense qu'il y en a encore qui le font. Hein, non ouais, mais on tue moins savoir quand avant. Même, je trouve. Il y a moins le truc de il faut qu'il y ait 20 personnes qui. Ça a l'air moins réaliste maintenant. Bah oui. Mais des fois, il y a des trucs un peu entre deux. Bah, mais justement, faut que ce soit cohérent. Dans Batman Begins, voilà. Il y a un truc qui a aucun sens où Batman ne tue pas le méchant, mais il dit ça ne veut pas dire que je vais te sauver. Et il le laisse dans un train qui fonce dans un mur. Tu fais. Là vraiment tu fais genre t'as des valeurs. Ouais, on joue sur les mots là. Ouais. C'était la scène coupée où Jameson fait tu joues sur les mots. Si on peut profiter de Floodcast pour faire un coup de gueule et, et genre virer une scène, c'est la scène où le gentil va tuer le méchant. Il décide de ne pas le tuer, il range son flingue et là le méchant sort un flingue et là il le bute, qui est vraiment un truc d'hypocrisie de merde, parce que c'est vraiment pour dire le gentil ne tue pas le méchant de en légitime défense. Il le tue en légitime défense et ça y a ça dans tout. Et je trouve qu'il faut dire bon, on arrête avec cette. Ça se passe pas dans Mal Perdu. On est... c'est ce que j'essaie, j'étais en train de me dire merde. J'ai failli te le dire pour te rassurer. Et après c'est le sujet du film. C'est le, c'est non, le pitch du c'est, film. C'est une enquête sur un flic qui a fait ça après. Assumons si le gars le bute, bah il le bute du premier coup. Il n'y a pas le. Bon, t'es de droit, ça arrête. Tu es de droit. Cette excuse est nulle. Je vous mets le nouvel extrait. Nous sommes disposés à payer la rançon. 20 milliards de dollars ? Qu'est-ce qui va l'empêcher de prendre un autre paquet d'otages dans quelques semaines et d'en réclamer deux fois plus ? Trois, quatre fois plus. Dans le pacificateur. Colonel, vous vous oubliez, je crois. Non. C'est vous qui avez oublié vos couilles. On a une coucoubie, ça va être un petit peu philosophique, le mec rage. 20 milliards, on va progresser quand même, quoi. Le méchant réclame 20 milliards, donc c'est un film où il y a vraiment une menace. Je pense donc je suis. Non, je pense à mes couilles. Ça, c'est vraiment. T'es obligé de. C'est Steven Seagal dans L'Ultime Décision. Non. Ah, c'est jamais Steven Seagal. Non, non, il y avait pas beaucoup de répliques en même temps. Ouais. Ouais, mais je crois qu'il y avait ça. Genre, bah attends, un truc avec une prise d'otage déjà. C'est The Rock. 20 milliards, non. C'est Last Action Hero. Non. Bon, bah alors, je sais pas. La rançon. Non, c'est pas Kurt Russell dans. Mais t'es allé très vite de l'un à l'autre. J'ai trouvé ça trop stylé. Kurt Russell dans. Alors, c'est pas Kurt Russell, hein, l'acteur qu'on cherche. L'acteur qu'on cherche, c'est Jean-Claude Van Damme. Oh. Oh. C'est dans Street Fighter. C'est dans Street Fighter. Bien sûr. Okay. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burs. Ah, voilà, je me dis, mais merde, il va oublier son texte. Ils ont envoyé cet extrait à Daesh et ils ont arrêté, quoi. Abusé comment il nous parle, le mec, quoi. Votre clique de. Moi, j'adore votre clique de terroriste, quoi. Avec des gangs. C'est ça qu'il dit, hein. Parce qu'il y a des synonymes. Les cliques et les gangs. Ils font chier la terre entière. C'est vrai qu'ils font chier, les terroristes. Ils nous ont piqué pas mal, quand même. Hein. Bon, l'acteur, c'est qui? Shorzy? Non, celui-là, franchement, je vous l'ai fait écouter juste pour le kiff. C'est Air Strike. C'est pas un film connu. Non. Mais où il y a cet extrait, c'est un très connu pour les auditeurs de Nanarland. C'est du bowling? Non. Oui, c'est fou qu'ils aient calé cette réplique. Non, non, c'est juste un film d'action pété et qui est très connu chez Nanarland, mais c'est juste. Voilà, ce qui est génial, c'est quand même l'acteur en français qui vient faire ça ce matin. Mais moi, le matin, qui enlève son blouson, qui pose son truc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah, tu fais ça, et puis tu vas. Ils sont super énervés, quoi. Pas mal, pas mal. Ah, il y a Bjorn quand même à la fin. On va payer le rançon quand même, ouais. Parce que j'aime, c'est la colère permanente. On va payer le rançon, on va y mais qui est super. C'est quoi, tu peux le dire, c'est la sensation que tu fais. Ça tombe bien, j'ai très. C'est pour ça que je dis rien depuis tout à l'heure, parce que je les connais tous. Par contre, ça c'était Aznavour. Hein. Il y a aussi celui-là, mais moins connu. Je ne fais pas l'amour. Je baise. Bon, ça c'est 51 degrés, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Ouais, mais. Ouais, il est pas mal aussi. Ouais, c'est un film d'action. Il dit avec mes burnes. Il s'agit du flow de casse. On va faire un petit tour de table. J'ai oublié de vous prévenir avant, mais bon, si vous l'avez là comme ça dans la tête, les recommandations culturelles, si vous avez un truc que vous avez vu, que ce soit film, théâtre, tout. Musique, peu importe, jeu vidéo, un truc que vous avez kiffé récemment, hors balle perdue évidemment, disponible sur Netflix à partir de maintenant, un truc que vous conseillez aux gens, bah dégueule hein, Sébastien, je t'en fais beaucoup. J'ai réfléchi. Moi, le dernier truc que j'ai vu, c'est Fleabag. Et t'as kiffé à mort. Bah ouais, c'est trop bien. Ça manque de burn peut-être, ça manque de réplique avec le bon. Ça manque de beat. C'est sur OCS, je crois. Non, c'est sur Amazon Prime. Ouais, la saison. Toutes les deux saisons, je sais plus. Ouais, je crois que c'est sur Amazon Prime. Saison 2, c'est sûr. Tu l'as téléchargé également, Sébastien. Ouais. Non, ils sont venus la porter chez moi. Ils m'ont dit, tiens, il faudrait que tu regardes ça. Je suis, ah non, et si, ouais, j'ai regardé. Non, c'est formidable, hein. C'est dément. Ouais. Robinson Moi, okay. J'ai un truc. Adrien Moi, pendant le confinement, j'ai écouté beaucoup de livres audio. Alors, je vais conseiller un livre audio. Il existe un livre classique, bien sûr. C'est après avoir regardé The Last Dance. J'en ai un peu parlé dans le dernier podcast, mais du coup, c'est ma reco là. Mm-hmm. C'est le livre de Phil Jackson qui s'appelle Eleven Rings, où il raconte en gros toute sa carrière et il raconte chaque champion, enfin chaque titre NBA qu'il a gagné et tout. Et comment il a abordé tel joueur de telle manière, comment il s'est adapté à la personnalité des gens et tout. Et c'est vachement intéressant. Et en fait, c'est même, je pense que bon, c'est mieux si on s'intéresse au basket. Mais je trouve qu'il y a vraiment un truc de comment gérer des gens qui peut s'appliquer à tous les domaines en fait. Et c'est vachement intéressant. Voilà. Très très bien. Guillaume. Waouh. Bah pendant le confinement, moi j'ai joué à Warzone, donc Warzone, Call of Duty bien sûr, Pacific Rim. Le film Pacific oui, Rim. Oui, oui, que j'ai revu, qui était vraiment, j'adore. De Guillermo del Toro. Le 1, bien sûr, oui. Après, moi, j'ai pas vu le 2. Non, mais le maté pas. Ne le faites pas. Tu l'as vu, toi? Ouais. T'as pas kiffé? C'est horrible. Il y a plus d'âme dans ces robots. C'est terminé. Ouais, c'est vrai. Sachant que l'âme qu'il y avait dans les robots dans le 1, il y a quand même un truc qui me gêne un peu, c'est qu'ils mélangent les souvenirs. C'est comme ça qu'ils arrivent à contrôler le robot. Et il y a un père et son fils. Et bah du coup chelou parce que le père a dû voir la mère à poil. Enfin tu vois, d'un coup tu mélanges ton esprit avec ton père. Je suis pas sûr que t'as des souvenirs que t'as envie de partager avec ton père. Ça n'a pas été exploité dans Pacific Rim. Ce sera ma parodie des Césars 2021. Je la prépare, je vous parlerai de ça. Okay. Non mais voilà, ouais, c'est le truc qui m'avait un peu bloqué. J'ai pensé qu'à ça tout le long du film. Ça t'a sorti du film un tout petit peu. Je me dis mais du coup il voit sa mère à poil. Oh non. Pendant qu'il battait un alien, tu vois. Non mais ça va pas se faire, génial. Il est pas sur, il est sur aucune plateforme, je crois. Si, il est sur Netflix, il me semble. Ouais, je crois. Ouais. Bah écoute, très quelle bien. Coïncidence. Parfait. Et oui, sinon j'ai découvert deux films du même réalisateur qui sont vraiment bien. Le réalisateur s'appelle Ari Aster, il a fait Hérédité et Midsommar. Et ce sont pas du tout des films d'action, mais. Qui sont des films où faut avoir le cœur accroché quand même. Il hein. Y a une ambiance. Ah bah non, c'est au téléphone après, t'étais pas bien. Après, ouais, j'étais pas bien. Ouais, je repense souvent aux films. Quel est le pire pour toi des deux? Moi j'ai vu les deux aussi. Quel est le plus dérangeant? Le plus dérangeant pour moi c'est Midsommar. Ouais, moi aussi. Celui qui me reste le plus en tout cas. Ouais. Hérédité c'est plus un petit côté roller coaster mais sans jumpscare, sans. C'est très c'est bizarre vrai... hein, quand ouais, même. C'est, faux, c'est, vraiment... faux. C'est ch'tarbé, ouais. Mais Midsommar, ouais, bon, il m'a un peu retourné le bide, voilà. Donc j'aimerais bien que ça contamine d'autres gens et que je sois pas tout seul comme okay, ça. Ok, je vais y aller. Midsommar, il y a quelque chose qui est assez fou. Ouais. Moi je suis allé le voir au cinéma et en fait c'est tellement bizarre et glauque qu'il y a eu un fou rire dans la salle. Mais pas un fou rire de oh c'est ridicule. Parce qu'il y a des scènes qui frisent avec le ridicule, mine de rien. Enfin, tu vois, où tu peux te dire oh là, c'est devenu très bizarre quoi. Ouais. Mais là, c'était vraiment un rire où les gens riaient de on n'est pas bien. Donc vraiment de allez, c'est pas vrai. Hein. Enfin, c'est, ah, là, c'est très particulier ça. Quoi. Ouais, c'est vraiment. Ça doit être impressionnant ça de vivre. C'est ça. Assez impressionnant. Ouais. Mais moi, moi j'ai préféré Hérédité quand même. Parce que j'ai trouvé que c'était plus dans des clous. Enfin, et Midsommar, je me suis un petit peu. Ouais, moi aussi, j'ai pas en termes qu'objet, enfin que film, je préfère me remater Hérédité par exemple que Midsommar. Mais t'as pas envie de le revoir quand tu l'as fini en fait. C'était tellement dark. Ouais, c'est ça. T'es pas bien. T'es pas bien au bout de 15 minutes déjà. Et puis après, il faut tenir encore. 4 heures, donc non, mais il dure 2h30 hein. Oui. C'est un film très long hein. De quoi mais ça on va pas passer. Mais tu vois, je m'étais moqué parce que je suis un sale con dans ce podcast de The House that Jack Bolt de Lars von Trier qui pour le coup réussissait pas du tout, je trouve, ce que réussit Ari Aster, à savoir c'est dérangeant mais c'est pas dérangeant, tu fais oui, on a compris, t'es bizarre quoi. Parce que le film de Lars von Trier, c'est vraiment on bute des gosses, on les ouvre, on les recoue. Tu fais oui, bon bah ok, c'est glauque, mais on sait quoi. Là, il y a vraiment un truc où il y a une mise en scène. Où évidemment, les scènes les plus bizarres sont pas forcément les scènes gore. C'est des scènes de quand ils prennent du LSD, enfin de la drogue, et du coup ils ont des visions. Et c'est ça qui est presque plus dérangeant que des scènes violentes quoi. Donc non, c'est vrai, Midsommar, c'est vachement cool. Je le conseille aussi. Matez-le tous. Voilà. Mais voilà. Le soir vraiment quand vous êtes vraiment tout seul là, avant de vous coucher. Allemand, j'ai sûrement envie. Bloodshot. On dirait que tu commandes au bar. Le dernier Vin Diesel, les gars. Tout n'est pas acheté. C'est pas cool. Mais j'ai pas lu la BD, mais je pense que le peu de choses qu'il y a de bon vient de la BD, par contre, c'est sûr. Mais Nous, on était allé voir, avec Romain, on était allé voir Triple X. Alors, 3 du coup, ouais. Parce que le 2, c'est Ice Cube. Oh, ça. Ouais. C'est Triple X au carré, le 2. C'est ça. C'est pas 2. Voilà. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a un peu un côté où Vin Diesel maintenant assume son corps. Mais c'est presque un truc. Ouais. Comment on dit, ouvert d'esprit, quoi. C'est-à-dire qu'il a des pecs, mais il a vraiment un bide, mais qu'il ne cache absolument pas. Mais il joue c'est quand même. C'est le même débardeur que dans le 1. Il peut plus, mais il joue quand même comme s'il l'avait pas. C'est-à-dire qu'il est vraiment au ralenti, beau gosse, sauf qu'il a un bon bide, quoi. Tu vois, mais ça, c'est assez. C'est body positif. C'est exactement, c'est body positif, mais tu t'attendais pas ça de Vin Diesel quand même. T'es un peu surpris. Dans Blue Chat, c'est ça aussi. Non, mais qui a vu Gang of London? Non. Tout le monde me parle de cette série là depuis 15 jours, mais c'est un truc de ouf. C'est diffusé sur je ne sais quelle chaîne anglaise et vu que je pirate pas, c'est pas encore sur les. Pardon, il est pas allé au bout de la phrase. Non, tu ne trompes personne. Coup, pardon, j'ai tenté. Quel con. Du coup, bah faut que je le. Tout le monde me parle de cette série. Voilà. Mais toi, il n'y a pas un truc que t'as vu et que t'as kiffé? Non, mais je sais pas trop. Non, là, je saurais pas dire, j'aurais dû réfléchir avant parce que j'ai trop de choses qui me viennent en tête. Plus au confinement, tout devient vite éphémère. Tu t'enchaînes, tu binge tout en fait. Donc ça devient, c'est très dur. Mais j'ai adoré Last Dance, c'était un magnifique documentaire sur Jordan. Disponible sur Netflix, ah ouais, qui est apparemment totalement inventé du coup maintenant. Non. Quoi, bah, non. Michael Jordan n'a jamais existé. C'est un Looney Tunes. C'est pour ça que j'ai. Parce que ça fait deux personnes qui me. Il y a 10 articles de gens qui. Enfin, en gros, tous les gars qui sont interviewés dans Last Dance disent c'est vachement pro Jordan. En fait, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a 1000 points de vue là-dessus. Notamment le fait que l'équipe a été démantelée à la fin de leurs 7 ans. Enfin, en 98. Ouais. Et en fait tout le monde dit bah c'est lui qui voulait se barrer et là il fait genre que c'est il s'est fait virer par le méchant du documentaire il a dit que si Phil restait pas il se barrait c'est tout c'est quand même justement dans le bouquin de Phil Jackson il parle déjà de ça dans et les mêmes termes chose. Quoi plus écoute le débat reste ouvert. Après j'imagine qu'il y a il paraît qu'il est doublé sinon Asti serait pas lui, très calé là-dessus quand on a parlé il fait non mais Phil en fait après il a fait ça il a fait New York puis il a ruiné l'équipe là puis il est allé là je fais attends on va se voir tu vas en parler tranquille et après tu peux le stopper en disant parle-nous de l'album de Tony Parker et là, et là d'un coup il est scié. Moi j'ai un truc c'est parce que moi j'aime pas trop les trucs geek en général enfin je suis pas non en mais vrai, tu déconnes d'un coup j'ai une autre personne devant moi là. Non mais c'est pour donner de la validité à ce que je vais dire après c'est que normalement c'est vrai qu'il y a zéro geek qui nous écoute en plus franchement je pense que c'est mais que moi je suis pas trop j'aime pas trop Star Wars j'aime pas trop quoi les quoi qu'est-ce que je fous là normal. Mais là, j'ai lu le livre, un livre qui s'appelle Feu et Sang, qui est le livre du gars qui a écrit Game of Thrones et tout. Et en fait, il a écrit l'histoire des sept couronnes. Et donc, c'est un livre de fausse histoire. Et franchement, c'est trop bien. De fausse histoire, c'est-à-dire. C'est-à-dire que Game of Thrones, c'est faux aussi, déjà. Oui. Dis pas ça. Et là, c'est un livre d'histoire. C'est-à-dire que c'est pas il y a des personnages. C'est un livre d'histoire qui dit... En l'an machin, c'est le genre documentaire quoi. Documentaire, oui. Ah, et il y a des dragons et tout. Et tu te dis, bon, moi, ça n'a pas. C'est vraiment un livre de cinquième, sauf qu'il y a des dragons c'est trop bien. C'est un peu comme un manuel de jeu de rôle quoi. Ouais. Enfin, mais moi, du coup, je suis pas du tout dans ces trucs là. Mais là, ce livre là, c'est incroyable. Tu m'as l'air d'être un bon sale geek plutôt. Ouais. Bon geek aussi. Vraiment, nerd. Avec tes lunettes et ton appareil dentaire là. On va mettre dans ton cul. L'invention de ce gars pour créer un monde qui a l'air réel alors qu'il est. C'est incroyable. Ah ouais, il est merveilleux. C'est un chef-d'œuvre. Comment ça s'appelle, Ludy? Feu et Sang. Et la couverture est en peau de dragon, celui-là. Mais vraiment, ouais, de vrai dragon. Le bouquin est très cher. C'est pour ça que c'est pas cohérent, parce qu'il invente des trucs, après il fait une couverture en vrai dragon. Ah, il laisse planer le doute. Comme Jordan. Non, mais je te dis, Jordan, c'est pas lui qui fait les sauts. Non. Moi, je vous conseille. J'ai un autre truc, moi, après. Moi aussi, j'en ai un deuxième. Calmez-vous, vous êtes des geeks. Vas-y. Moi, c'est un podcast qui s'appelle Dead Eyes. Et c'est un mec qui est acteur, qui est pas très connu. Ah oui, j'ai. Et je l'ai pas déjà conseillé. Non, tu m'en as parlé. Et en gros, le mec, il a fait un podcast sur le fait que, en gros, c'était un acteur il y a plus une dizaine d'années, je pense, et il galérait et tout machin. Et c'est un Américain, et il était parti vivre à Londres. Et il voit qu'il y a un casting pour Band of Brothers, la série, dirigée par Tom Hanks. Et donc il passe le casting pour un petit rôle et il a le rôle, donc il est trop content. Et en fait il reçoit un coup de fil, donc lui il se dit putain ça va lancer ma carrière, c'est HBO et tout machin. Et il reçoit un coup de fil quelques jours plus tard de l'assistante de casting qui lui dit bon en fait on voudrait que tu repasses les essais devant Tom Hanks parce qu'il a vu tes essais et il trouve que t'as des Dead Eyes, donc genre un regard mort, quoi. Oh putain. Et donc le mec c'est bon dit, ça pour l'ego ça. Et du coup il a repassé l'essai, il s'est fait jarter de la série et il dit ça m'a hanté genre pendant des années quoi. Mais il a rencontré Tom Hanks. Bah il a rencontré Tom Hanks et mais il dit qui lui a dit je te confirme t'as les yeux morts. T'as les yeux morts. Et donc c'est trop marrant, c'est toute une exploration de ce truc, de cette histoire. Et évidemment le but, le podcast n'est pas encore fini, mais le but c'est qu'il en parle avec Tom Hanks à la fin et qu'il lui dise mec les yeux morts et tout. Mais c'est marrant parce qu'il s'entretient avec des gens qui lui disent mais déjà cette meuf jamais elle aurait dû te dire ça, c'est abusé de te dire, on trouve que je pense qu'elle a un peu pris des libertés, tu vois. Et c'est assez marrant, c'est assez cool et touchant et tout quoi. Et évidemment et c'est en anglais. C'est en anglais. Voilà, merci. C'est mort. Allez, hop. Et à la fin. Et twist. Ce mec, il fait quoi de sa vie à part les podcasts? Il est acteur, il fait de la scène, il fait plein de trucs, quoi. Enfin, il est pas ultra connu, mais il est. Henry Dead Eyes. Mais c'est lui qui a inoculé le Covid à Tom Hanks. Ça, c'est le truc, il s'est vengé, de toute façon, il a réussi à inoculer le Covid. Dead Eyes, bah dead. Dead Tom, ouais. Robinson. C'est juste que je suis retombé récemment à 4h du matin sur Un cri dans l'océan. Je sais pas si vous. J'adore. Excellent film. Mais excellent. Enfin, j'avais oublié à quel point c'est bien. Oui. Je vais essayer de vous le pitcher juste pour vous donner envie de... Le héros est Treat Williams, qui n'a pas fait une grande carrière de héros, mais il est très bien. Et donc, ce sont des mercenaires qui sont chargés de voler, de s'arrimer sur un paquebot de croisière et de le voler. Sauf que quand ils arrivent, il y a déjà un monstre qui a dézingué tout le monde. Et donc, ces mercenaires dans ce paquebot doivent lutter contre un monstre en image de synthèse de 1996, donc très très mauvais. Mais le film est... formidable, je vous conseille. C'est une petite bombe, ouais, ça va très très vite. Il y a des poursuites en jet ski à l'intérieur du bateau, c'est super important de la Suisse. Dans la piscine. La piscine du bateau. Ouais, ouais. Et ils n'ont jamais fait le 2 parce que, sans spoiler, ça se termine sur une île où il y a un autre monstre et ils disent putain, c'est quoi encore que ce bruit ? Et ça s'arrête là. Ah, il y a un volcan qui pète, films, je crois. Les films qui finissent sur en fait, il y a là, une menace. Là, Godzilla m'avait beaucoup frustré comme ça. Oui, mais là c'est très assumé parce que c'est vraiment un plan large, il me semble, où on voit un volcan qui explose en plus et on sent qu'il n'y a qu'un volcan sur l'île. En fait, il n'y a pas d'île quoi. Bon, bref, voilà, c'est très très bien. Et c'est encore mieux maintenant avec les yeux qu'on a sur les effets spéciaux. Voilà. Okay. Eh bien moi c'est une filmographie entière parce qu'en fait j'ai qu'est-ce Claude que Sautet. Bah écoute pourquoi pas déjà. Bah oui, bien sûr. Mais, parce que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Moi j'ai cette petite manie et je remercie d'ailleurs les gens de mourir parce que dès qu'ils meurent je regarde ce qu'ils font et du coup j'ai maté Vincent, François, Paul et les autres. D'ailleurs pourquoi il y a pas le prénom du perso de Depardieu? C'est très bizarre que ce soit les autres alors qu'il y a qu'un seul gars et c'est le perso de Depardieu. Il s'appelle pas les autres. Bah non, pas du tout. Mais il y a eu toute une conversation justement, parce que le perso en premier, c'est celui de Yves Montand. Ouais. Et après, il y a celui de Serge Reggiani. Exactement. Et il voulait raccourcir, parce qu'il disait, bon, personne ne comprend rien, viens, on appelle le film Vincent. Et c'était le perso, le de Yves Montand, de Yves bien, Montand sûr. Bien entendu. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très bizarre, parce qu'ils sont quatre, sur l'affiche, ils sont quatre. Il y a Vincent, François, Paul. Et puis les autres, quoi. Bon, bah voilà, c'est comme Depardieu. Si c'était une meuf. Quoi. Ouais, c'est ça. non mais voilà, ça j'ai découvert ça il y a pas longtemps, ça change bien. Mais moi je voulais vous parler de Spike Lee. Il y a Spike Lee en fait qui devait être président du jury à Cannes, donc Festival de Cannes qui a été annulé. Et du coup je pense qu'il y avait des deals avec Canal+ et compagnie. En tout cas il y a tous ces films qui sont dispo sur MyCanal. Et du coup moi j'avais vu les plus connus, donc To the Right Thing, 25e heure, Inside Man et le dernier, enfin l'avant-dernier du coup Black Lance Man. Mais là il y a vraiment Crooklyn, il y a Clockers, il y a vraiment tous ces films. Il y a certains qui sont un peu désuètes mais qui ont vraiment un vrai charme et c'est des films bourrés d'inventivité et je vous conseille vraiment tous ceux qui sont dispo sur ma canal. Donc ouais, j'étais à Crooklyn, Clockers, Inside Man, E-God Game aussi. Vous avez vu Clockers ou pas? Parce que moi c'est grâce à ce film là que j'ai arrêté d'avoir mal au ventre. Ah, avec le jus de pomme? Non, c'était pas du lait. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Bah voilà, bah, j'ai fait. Ah, c'est ça qui me rend malade. Ce qui n'est pas. Alors, parce que dit comme ça, on dirait que c'est un film sur la surcroît. C'est sur des flics qui butent des gars. Hein. C'est vraiment. C'est pas le truc que tu retiens tout de suite. Mais alors, c'est quoi le conseil du coup? Vu à son année de sortie, bah faut pas boire trop de lait chocolaté. Parce que mais voilà. Tu lèches beaucoup, tu vois. Il y a vraiment t'as besoin d'un film pour ça, quoi. Ah non, mais ouais, t'as l'impression que tu es en train de crever, quoi. Voilà. T'es intolérant à tout. À la base, oui, c'est ça. Alors, l'histoire du film, c'est des dealers et il y a un flic qui enquête sur des dealers. Voilà. Donc, c'est un peu. Mais dans quel contexte ce petit moi, conseil je préfère le pitch d'Alban. Hein. T'imagines, là, je viens de. Date de sortie, mec. 92, 93, un truc comme ça, je pense. Je t'imagine dans le cinéma à faire. Ah putain. T'imagines pitcher le film, c'est le mais... film sur le mec qui arrête de boire du lait là. Ouais. Quoi? Là, il se paye quelqu'un, il fait excusez-moi, non. Il y avait des trucs autour. Il y a un mec était à 12-13 ans, je buvais beaucoup de lait. Et t'avais jamais capté avant que c'était ça qui te donnait mal au bide du coup? Non, à des fois. Il t'a fallu un film quoi. Ouais, puis après j'ai découvert les Rennies. Ouais, c'était pas mal, t'as vu ça. Bah, en tout cas, voilà, il y a tous ces films-là qui sont vraiment cool. Et bah, justement, autre film Netflix, puisque le prochain, alors que j'ai pas vu, parce que celui-là. Parce que pour voir Balles perdues, moi, il a fallu que je passe un BEP ingénierie. Parce que j'ai reçu un lien, il a fallu que je m'identifie, que je donne mon mail, que je joigne mon Netflix. Ensuite, j'ai reçu un code PIN par texto. C'est très compliqué. Pile, tu vois, comme des trucs. Ah bah ouais. Oh, je peux pas m'empêcher, c'est pas ça. Ouais. Non, mais donc en gros, j'ai galéré pour voir le film. Mais je n'ai pas vu Da Five Blood, je crois. Mais qui sort peu de jours avant, je le crois, 12, donc qui est déjà sorti en fait. C'est demain. Qui est déjà sorti quand vous écoutez ce podcast. Donc je ne sais pas s'il est bien, mais en tout cas, c'est Spike Lee, c'est vachement bien. Et je vous invite à vous pencher sur sa filmographie. Pour commencer, je vous dirais Inside Man, 25e heure, je pense que c'est les plus faciles d'accès. Et après, Do the Right Thing, c'est vachement bien. Ouais. Jungle Fever, c'est un petit peu plus difficile. Clockers, c'est vachement bien. Crooklyn, c'est vachement bien. Enfin voilà. Bah écoutez, les gars, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. C'était très chouette. Ciao. John McClane. Officier de police. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? C'est surtout des petits monstres qui nous empoisonnent la vie. Eh oui, ça tire les poils, ça pince les oreilles, ce qui pour un chien est à peu près vivable. Mais l'ennui, c'est que ça envahit la maison. La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer. Mais pas lui. Il est comme un être humain. Il transpire, parle même comme toi et moi. On s'y tromperait. J'arrête pas de me relancer. T'es sûr que tu veux pas miser sur moi? Ça peut te rapporter un gros paquet. Les Hurons ne te tueront pas, ils t'emmèneront prisonnière dans leur village. Il ne faut pas que tu cèdes. Tu es forte, reste en vie. Il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est que je t'ai toujours considéré comme mon fils. Notre troupe vous garantit une performance hors du commun. Quand vos amis les sauterelles vont débarquer dans l'arène, nous allons les exploser. Qu'est-ce qui est sorti comme numéro hier soir? Vous jouez pas au loto? Non? Ma femme remplit 2 bulletins par semaine. Ça fait 10 ans qu'elle joue les mêmes chiffres. Je vais vous lui dire, tu pourrais le changer de temps en temps. Pourquoi tu joues pas d'autres numéros? Elle me dit, ah, tu sais, ceux-là vont toujours porter chance. Je les ai là, d'ailleurs. L'autre bâtiment public. Pourquoi moi? Pourquoi il faut que ce soit moi? J'ai commencé à me lâcher menu, à vous mêler de mes scènes de ménage. Vous et Simon, vous êtes en train de me gâcher une gueule de bois comme je les adore. Pourquoi est-ce que ça s'en est occupé? À qui téléphoniez-vous? SOS, Zinzin, c'est ça qui oui, j'ai écouté, mais alors réfléchis pas entendu. Mais j'ai une putain de gueule de bois, j'ai mal jusque dans les cheveux, tu comprends? Putain de merde, y'avait une chose à laquelle il fallait faire gaffe, c'est cette foutue toquante. C'est pas comme si je lui avais parlé. T'as eu cette motocyclette? C'est pas une moto, ça m'a pu, c'est un chopper, dépêche-toi, allez. Où est passée ma Honda? J'ai eu un pépin avec ta Honda, elle est cassée. S'il te plaît, dépêche-toi. Allez, allez, en route, en route.